Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 52, dernier épisode de cette année et de cette saison 2018. Je m'empresse de faire les rappels traditionnels. Vous pouvez nous écrire à notre adresse démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, democratieparticipative@protonmail.com. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous aimez ce que nous faisons, à nous faire des dons en crypto-monnaie exclusivement. Donc en crypto-monnaie, je pense que les gens connaissent, Bitcoin, Ethereum, Monero, voilà, si vous voulez nous encourager et faire face à ce qu'on doit affronter, n'hésitez pas, faites-nous des dons, ou si vous connaissez des gens qui vous aimeraient le faire, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, aidez-les à le faire. Je vous invite aussi à diffuser les numéros hebdomadaires de Démocratie Participative, version PDF, très simple à partager, hein, les PDF, c'est fait pour ça en fait, hein, pour lutter contre la censure de façon asymétrique, donc c'est la même chose d'ailleurs pour le podcast, pour l'émission chaque semaine, bien sûr, écoutez-la, mais n'hésitez pas à la partager, c'est important, puisque comme vous le savez, le pouvoir, le système en place veut nous faire disparaître absolument, je pense que vous le constatez, puisque nom de domaine après nom de domaine, on est écrémé, mais ça ne nous empêche pas d'être là, donc une des façons de lutter contre ça, c'est bien évidemment les PDF, c'est-à-dire de les télécharger et ensuite de les diffuser à vos amis sur des listes de diffusion par email, par exemple, et la même chose pour le podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Je vais maintenant présenter les membres de cette semaine, l'émission spéciale Nouvel An, ça fait plaisir d'avoir, vous la recevrez, enfin, vous l'entendrez normalement le jour du Nouvel An, dans la journée, ou bien quelques jours après, mais elle est enregistrée et elle sortira, enfin elle n'est pas enregistrée le jour du Nouvel An, mais elle sortira le jour du Nouvel An. Je commence avec Pierrot qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette émission, salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde, bah écoutez, bonne année à tous les démocrates participatifs, et puis tu l'as rappelé Gandalf, épisode 52, donc félicitations Gandalf pour avoir tenu tous les épisodes de cette année, c'est fantastique. Bah merci à ceux qui participent, hein, parce que sans eux ce serait pas possible, et évidemment à tous nos auditeurs aussi qui sont fidèles au poste aussi à chaque fois, hein, c'est une démocratie participative, hein, il faut que tout le monde y mette du sien. MacDav est avec nous aussi cette semaine, salut MacDav. Salut Gandalf, salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. On a Hopman avec nous aussi cette semaine, comment vas-tu depuis Guingamp? Je sais que tu as finalement rejoint en fait la ville qui te fascinait tant, et je pense que tu as trouvé ce que tu devais y trouver. Eh bien, étant fan, effectivement, Gandalf, de diversité, de rythme diabolique, eh bien, j'ai effectivement déménager à Guingamp, et je vous invite d'ailleurs tous à m'y rejoindre pour faire enfin une véritable démocratie participative au sein de l'espace républicain et prendre d'assaut la mairie, électoralement bien sûr. Ah ouais, parce que Guingamp, pour la connaître un petit peu, bon, c'est assez spécial, parce que c'est le genre de ville moyenne assez typique, en tout cas bretonne, vous voyez, donc n'y a pas des masses de gens, c'est un peu vieillissant. Il y a les remparts et tout, et puis vous balayez dans le centre-ville historique de Guingamp. Et puis là, vous voyez des grappes de nègres en fait qui déambulent, et vous vous dites « Ah, il s'est passé quelque chose ici, quoi ». Et effectivement, il s'est passé le socialo-communisme, en fait, dont beaucoup trépassent, et certains parviennent quand même à survivre, mais bon, c'est pas gagné quand même. Donc, et Guingamp, on dira... Oui, en avant. On ne dira jamais assez de mal aussi de tous les clubs de football en fait qui vont chercher des nègres prépubères en Afrique pour les faire jouer jeunes chez eux, hein, et puis qui les relâchent dans la belle campagne française ou bretonne une fois qu'ils ne sont pas sélectionnés pour jouer à meilleur niveau. Et voilà, Guingamp, ça leur fait une petite justice parce qu'ils sont derniers du championnat, je crois. Bah, on dira jamais assez de mal des clubs de foot qui n'ont pas d'argent en fait. Ça va plus vite comme ça. Hein. Ça va plus vite comme ça, hein, parce que c'est une pompe à immigrer du Sahel, c'est terrible, quoi. Moi, je ne sais pas, hein, moi, je vous avouerai, c'est un mystère absolu d'être dans des rats de campagne, vous savez, des bleds de 4000 habitants, je veux dire, il y a un PMU, non, j'exagère, parce qu'il n'y a même pas de PMU dans ces rats-là, dans ces bleds-là, mais les types adulent les clubs comme Guingamp, quoi. Et en fait, quand vous regardez l'affiche, il n'y a que des nègres. Donc je ne sais pas, je sais pas. C'est un point d'interrogation. J'ai jamais trouvé la formule. Peut-être que quelqu'un m'expliquera un jour pourquoi on soutient une équipe composée exclusivement de nègres dans un bled où il n'y a que des blancs. Mais bon. Oui, bah, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu l'identité locale, en fait, l'identitarisme facile. Hein. C'est comme, je suis désolé, mais en Bretagne, les mecs qui vont cracher sur... Alors, on peut cracher sur les Parisiens pour certaines raisons, effectivement, quand ils s'invitent en Bretagne ou dans notre région, font monter les prix en achetant les biens, tout ça, se comportent comme des cons, bien entendu. Mais j'ai toujours beaucoup de mal avec ces identitaires locaux de gauche qui vont considérer le premier nègre qui parle un petit peu breton ou une autre langue locale, en fait, breton ou autre chose, que le Parisien ou que le mec qui vient de Normandie ou ci ou ça. Quoi. Ça m'a toujours fait doucement rigoler. Ayant une certaine expertise sur le sujet... Je peux te dire que même si le nègre baragouine deux mots de breton, il sera considéré comme plus breton que le breton qui parle breton, par les bretons. C'est assez effrayant et c'est pourquoi je suis un... C'est ce qui m'a d'ailleurs converti à l'euthanasie de masse, en fait. Mais pendant très longtemps, j'étais réticent, mais je me suis dit qu'en fait, il y avait du sens derrière ça. C'était pas une proposition dénuée d'intérêt ni de bon sens, tout simplement. Mais c'est une maladie. En fait, c'est les identités contrariées, n'est-ce pas, totalement bouffées par des complexes d'infériorité qui surcompensent par une espèce de surenchère victimaire. Et alors là, on y va. Hein. Le dernier pelé qui s'invite chez vous, qui baisse votre fille, il est plus encore de votre groupe que ceux qui sont effectivement du groupe. Bon. Et du coup, si je puis me permettre, en avant Guingamp, en avant le talent de masse. Ah, en avant, l'euthanasie de masse, effectivement. Astérix aussi est avec nous cette semaine. Il est occupé, mais il va participer la prochaine. Non, salut les gringos, je ne suis pas occupé, je suis bien là. D'accord. Je salue tout le monde. Effectivement, je salue les auditeurs qui m'impressionnent chaque semaine avec la production intensive de mèmes, de blagues, de tout. Enfin, moi qui suis informatiquement un nègre, Je trouve nos auditeurs absolument formidables, quoi. Ils m'offrent des fous rires quotidiennement, quoi. Quotidiennement. Il n'y a pas une seule journée sans qu'un de nos auditeurs m'offre un fou rire. Et quant à Guingamp, rappelons que ce club appartient à une grosse pointure du Parti Socialiste, qui est Noël Le Graët, grand ami de Hollande en personne. Noël Le Graët, qui est une petite raclure franc-maçonne, négrophile, évidemment, quoi. Bah, quand on voit son club, je présume que ça reflète le reste, a priori. Mais oui, c'est un espèce de gros mafieux, même sur la région de Guingamp. Hein. C'est vraiment un... Bah, c'est lui qui chapeaute la Fédération Française de Football. Exactement, c'est un gros poisson. Hein. D'ailleurs, voilà. Si vous voyez ses yeux, vous pouvez comprendre qu'à mon avis, il boit du sangoy à peu près chaque matin. Voilà. Fulbert est aussi avec nous pour cette émission. Salut Fulbert. Bonsoir Gandalf, bonsoir à tous et pour moi aussi une bonne année 2019 à tous, sauf aux Juifs bien sûr, puisque eux, leur nouvelle année est commencée depuis le 10 septembre. Oui, on leur souhaite beaucoup beaucoup de zyklons. Enfin, Derek est avec nous. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, salut tout le monde. Écoutez, ouais, moi, bonne année aussi à nos auditeurs, hein, sauf les quelques Juifs qui se sont glissés. Voilà. Parmi tout ça. Petit remerciement appuyé à notre grand copain Blago Dariov, hein, pour ses très belles. Ah oui. Dans la dernière émission. Voilà. Ouais, petit migrant Noël, je ne m'en remets toujours pas. Hein. J'ai fait écouter ça à tout le monde au boulot, c'est merveilleux. Bah, ça, voilà. Parfait. Blago Dariov, quel talent. Continue comme ça en 2019. Immédiatement d'ailleurs diffusé ici, hein, on a chômé sur l'insistance d'ailleurs d'un oui. Mini-quois du sud de la France. Voilà. C'est ça. Hein. Mais bon, faut dire qu'elle est quand même super. Elle est quand même super. Petit migrant Noël, si vous n'avez pas entendu la semaine dernière, je vous invite à vous référer au titre de Blago Dariov sur YouTube, vous la trouverez. Aucune difficulté, enfin, sauf si entre-temps les Juifs ont censuré, mais ça je n'en sais rien à l'heure qu'il est. Donc, pour ma part, puisque c'est aussi le moment de le faire, je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Qu'elle vous apporte, d'abord, énormément de haine raciale. Deuxièmement, encore plus d'antisémitisme. Troisièmement, la santé. Et puis quatrièmement, du pognon, ça fait jamais de mal à personne, voilà. Et puis si vous arrivez à voir tout ça, je pense que ça sera une excellente année 2019. Voilà, sixièmement, la grande sublimation des Juifs. Quoi. Ah oui, donc... L'homophobie, on en fait quoi? Ah oui, cinquième proposition, mais la sixième, ça c'est plus déjà l'état vaporeux des Juifs, une fois que des processus chimiques se mettent en... Enfin, bon, ça c'est un peu plus... Enfin, bon, c'est pour les initiés déjà. Hein bon. C'est ça. Rubrique numéro 1, messieurs. Courrier des lecteurs. Courrier des lecteurs très très dense, je vous préviens. Mais par contre, frappé du sceau de l'expérience vécue, c'est un policier qui nous écrit, plus exactement un ex-policier. Alors, la semaine dernière, on a parlé des policiers, c'est un sujet qui n'est pas vraiment polémique, disons que les gens ont des idées quand même assez arrêtées sur cette question-là, mais là, on a un policier qui a décidé de venir nous parler, qui d'ailleurs est un auditeur, et qui a voulu, en fait, nous mettre les idées au clair sur toutes ces questions-là, de son point de vue à lui. Alors, vous allez voir, c'est un témoignage, je dois le dire, et je l'en remercie, parce que c'est un témoignage de très grande qualité, mais il est dense, donc ça ne va pas être réglé en 3 minutes. Hein. Donc, je vous invite à nous suivre dans cette première rubrique et dans ce courrier. Alors je commence, on va le couper en 2-3 parties, j'interromprai la lecture et j'inviterai nos participants à commenter, hein. Ce sera la meilleure façon de le faire parce qu'il est assez long. Alors, bonjour chers camarades démocrates participatifs. Au vu des récents événements, je me permets de vous faire part de mon expérience au sein des forces de l'ordre. Après 10 ans passés au sein d'une unité parachutiste, j'ai quitté le ministère de la Défense. Ayant vécu en caserne depuis mon enfance, j'ai fait le choix de la police nationale et non de la gendarmerie. Horaire moins contraignant, hiérarchie moins rigide. Certes, les gendarmes ne paient qu'un loyer dérisoire, mais ils vivent avec leurs supérieurs à portée de main, pas terrible pour la vie privée. Et j'étais encore suffisamment jeune et naïf pour vouloir changer les choses, comme on dit. Courser les voleurs de poules, à trifouiller les oies, dans la gendarmerie départementale ne m'attirait guère. Mon choix s'est donc tourné vers la police. Je fus très facilement admis au concours, mon expérience militaire était un grand plus qui jouait en ma faveur. Premièrement, école de police pour la formation initiale. À noter qu'il y a 2 filières de recrutement. Le concours spécifique, bassin parisien, où on a la certitude d'être affecté en Île-de-France, et le national. Le gros des troupes passe le concours national, dans l'espoir de pouvoir retourner dans sa région d'origine, ce qui est loin d'être gagné. À mon arrivée, j'ai tout de suite été surpris du nombre de créoles, comprendre les gens des Antilles, hein, qui n'avaient très manifestement pas passé le même concours que les métropolitains. Les effectifs féminins dans mon centre de formation représentaient environ un cinquième des effectifs. 20%, quoi. La moitié des collègues féminines, entre guillemets, s'avérant être lesbiennes. Donc 10% quand même du total. Hein. Après être passé chez le fourrier et devant le toubib, on nous fit remplir une liste pour les repas spéciaux. En gros, qui mange halal ou kasher. Étant un raciste forcené, je savais que tôt ou tard, je prononcerais une parole qui pourrait me porter préjudice. Je décidai donc de me faire passer pour juif, entre guillemets, entre parenthèses, je suis circoncis pour des raisons médicales, et cochet mange kasher. Cela me sortira plus tard d'un fort mauvais pas. Comme avantage immédiat, les repas kasher ou halal étaient manifestants d'une qualité supérieure à ce que l'on servait au bétail goy, pleine de nerfs, etc. Quelques élèves israélites m'approchèrent, la communauté, même si nous étions très peu à manger kasher, je dirais moins de 10 élèves sur 240. Je m'en sortais en disant que je n'avais pas grandi dans une famille pratiquante, mes grands-parents, rescapés de la Shoah, etc., ayant perdu la foi à Bergen-Belsen, bon. Et n'ayant pas transmis le savoir à mes parents, etc. Juif séculier en gros. Je les évitais au maximum, surtout lors des fêtes, Pourim, Hanouka, ne parlant pas un traître mot de leur sabir. Alors, je m'arrête peut-être là. Première anecdote assez savoureuse quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je donne la parole à celui qui voudra, mais c'est mignon quand même. Oui. Alors, c'est mignon parce que j'ai un petit peu faim. Hein, ce que j'ai retenu, si tu veux, c'est que la viande cachère, il y a moins de nerfs dedans et moins de merde hein, que celle qu'on file au goy. Quoi. C'est bon. Hein. Au goy et au koufar. Oui, bon, oui. C'est précisé, il dit bien. Ah oui, hein, oui, voilà. Oui. Ouais, il précise. Quelqu'un d'autre sur ce petite tactique trouvée pour essayer de survivre en milieu hostile? Bah, c'est malin, mais c'est vrai que quand t'observes la carrière d'un Zemmour, finalement, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Personne d'autre? Je poursuis la lecture? D'accord. Mon école n'étant pas située à proximité d'un centre-ville, comme celle de Nice, nous étions cantonnés la semaine dans l'enceinte. Les femmes, bien évidemment, l'objet de toutes les convoitises. Autant de la part des élèves que des formateurs. D'ailleurs, ces derniers avaient trouvé un moyen astucieux de se faire offrir des faveurs sexuelles par les jeunes femelles. Ils leur faisaient miroiter qu'ils pouvaient influer sur leur affectation, ce qui s'avéra bien évidemment faux au moment du choix des postes. Je ne dis pas que toutes ont cédé, mais une partie non négligeable. Les moniteurs GTPI, gestes et techniques professionnelles d'intervention, s'avéraient les plus pressants. Mon moniteur a été accusé d'attouchement sur deux nanas de la promotion. Les bougresses, sachant que le ratio des sexes était très franchement en leur faveur, en ont aussi bien profité. Des demi-boudins que personne n'aurait regardé dans le civil, se voyant du jour au lendemain sollicités comme si c'était des stars de cinéma. Ça tournait sévère. Même après 10 ans passés dans un régiment parachutiste, j'avoue avoir été choqué. Au moins 2 gangbangs au cours de la scolarité, du moins dont j'ai eu connaissance, triolisme, etc. Les nègres des îles se regroupaient entre eux. Ils se plaignirent bien évidemment du racisme en fin de scolarité, bien qu'ayant abondamment profité de l'arrière-train des collègues évoqués précédemment. Alors je m'arrête là, peut-être, je sens que ça va faire parler quelques-uns, je ne vais pas dire qui. On voit qu'il y a déjà des stratégies qui se mettent en place là. Hein. Alors pour ceux qui ont l'égalitarisme sexuel chevillé au corps, je pense que là c'est un cinglant démenti. Visiblement, donc les femmes mettent en place des stratégies, constatant que la rareté fait le prix de la cam. Et de la même façon, hein, pour les hommes, il y a aussi des stratégies de prédation qui se mettent en place. Qui veut peut-être dire un mot là-dessus? Oui, bonjour. Bonjour, Hapman. Ça t'a bonjour. Je vais donc prendre ma voix la plus suave possible pour parler de ces deux femmes. Hein. Oui, oui. Voilà. Il en a cité deux, il y en a peut-être d'autres. Hein. Ah oui, excusez-moi, j'avais autre chose en tête, oui, effectivement. Mais donc, il y a véritablement un problème en fait avec les femmes dans l'institution. notamment par rapport à ce que tu viens d'aborder, c'est-à-dire on nous parle toujours d'égalité, d'équité de traitement, et c'est complètement faux. Alors, déjà, quand tu es une gonzesse et que tu passes des tests en les forces de police ou d'autres forces de l'État, en fait, comme l'armée, tu n'as pas les mêmes tests physiques. Donc, chez les pompiers, par exemple, quand tu dois tirer un mec de 100 kilos avec 40 kilos de matériel sur le dos, tu m'expliques comment une gonzesse qui en fait 50 peut y arriver, à moins qu'elle ait des cannes comme un canasson, c'est pas possible, quoi. À l'armée, c'est pareil. Là où un mec doit faire au minimum 10 tractions, les femmes doivent rester en suspension pendant 15 secondes. Donc déjà, il y a un gros foutage des gueules. Après, effectivement, ça se passe dans toutes les institutions, en fait, où tu vas avoir très peu de femmes pour une grosse majorité de mecs. Comme il dit, les boudins, ou les meufs un peu potables, de suite, elles sont charnardes par tout le monde, quoi. Et elles en retirent des avantages. Je l'ai moi-même vécu en école. Et il y a des tonnes d'histoires, notamment par exemple à Saint-Mexant, où j'avais un ami à moi qui avait fait Saint-Mex et qui me racontait que une fille de sa promo avait été virée parce qu'elle avait fait un gangbang avec toute une chambrée, quoi. Donc six bonhommes. Voilà. Six bonhommes, un mec. Donc la meuf devait devenir sergent. Et je ne vais pas vous rassurer, mais ce genre de nana, il y en a aussi en école d'officier. Alors là, c'est le problème de la mixité, en fait, qui est posé, en fait. C'est ça, en fait, hein. Dans l'armée, hein, et dans les autres institutions, en fait. Elle devrait tout simplement pas être au contact au quotidien pour ce qui concerne la vie, quoi. La vie en commun des hommes, hein, tout simplement. En fait, non, mais je raconte n'importe quoi, là, je deviens libéral, qu'est-ce qui m'arrive? Non, il faut pas foutre de femmes dans l'armée, c'est ce que je veux dire. Je m'égare, là. Oui, non, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, non, c'est vrai, non, c'est, bah, je veux un ramollissement, c'est la fin d'année. Mais oui, non, il faut pas de femmes dans l'armée, enfin, c'est... Et là, c'est bon, là, c'est la police, là, c'est, hein, la police. C'est la police. Oui, mais en fait, il y a un truc qui m'avait particulièrement gonflé, c'est que, quand toi, par exemple, tu fais tes classes, que t'en chies, que vraiment que tu ramasses parce que t'es là pour ramasser parce que t'as pas le temps, t'as des tonnes d'informations à intégrer, tu dois te préparer, tu dois découvrir le combat, tu dois découvrir la gestion du combat, en fait tu dois bosser tout un tas de matières, qu'elles soient universitaires ou militaires, et quand toi le week-end t'es cantonné dans ta chambrée, en fait, et que t'es comme un con en train de lire tes bouquins et que t'aimerais juste pouvoir aller prendre l'air, tu vois, ne serait-ce qu'à 20 bornes pour manger une crêpe, bah toi tu peux pas. Pourquoi? Ah bah parce que t'as des couilles, en fait, tu vois. Et que comme t'as des couilles, bah t'es pas invité par les gars qui t'encadrent. Pourquoi? Parce que qui c'est qu'ils invitent? Ils invitent les meufs. Et ils font quoi? Eh bah ils vont se promener. Ils vont en boîte et ils les baisent. Forcément, tu vois. Encore une fois, le privilège de la chatte. Ouais. Donc c'est marrant parce qu'on nous présente les femmes comme étant discriminées. Il n'y a pas que les femmes, hein, y a aussi les minorités raciales. Enfin, minorités, on verra le temps que ça dure. Mais en fait, c'est... l'inverse, en fait, c'est le privilège féminin, en fait. Privilège féminin. Alors, je poursuis. Les nègres d'Afrique du Nord étaient pour la plupart kabyles et assez discrets. Quelques camarades racistes, dont je me tenais soigneusement à l'écart la durée de ma scolarité, car ils n'étaient franchement pas assez prudents. Même si cela ne semble pas leur avoir porté préjudice, rien ne sortant des chambrées. La moyenne d'âge tournait autour de 25 ans. Des surdiplômés, 6 thésards, qui ne trouvaient pas de travail. Des fils de flics et des anciens ADS, adjoints de sécurité, manifestement pistonnés par le syndicat. Des fans de muscu gavés de créatine, incapables de courir 8 km. Quelques sportifs de haut niveau, quelques anciens militaires. Donc. Quelques fragiles effrayés par leurs armes de service et qui pourtant ont eu le diplôme. À noter que les GTPI, dont on a parlé précédemment, sont une vaste blague sur la partie self-défense, et qu'il n'est absolument pas étonnant de lire que certains flics se fassent défoncer par deux boucaques anémiques. Quelques gamins qui sortaient à peine du giron familial de cette province blanche, et qui finirent parachutés dans les pires banlieues à nègres de l'Île-de-France alors qu'il était évident qu'ils n'avaient pas assez de caractère et de maturité pour subir une telle hors d'Ali. Un jour, amphi avec les syndicats. À l'issue, je dis à mon chef de section que, de par mon passé militaire, je ne vois pas l'intérêt de leur donner 120 euros qui seront mieux dans ma poche. Réponse de ce dernier. T'as rien compris. Tu te syndiques pas pour qu'ils te défendent. Tu te syndiques pour que le jour où tu auras des emmerdes, et ça arrivera plus tôt que tu ne le penses, ils ne t'enfoncent pas la tête sous l'eau pour faire un exemple. Genre, voyez ce qui arrive lorsqu'on n'est pas syndiqué. Et j'ai effectivement pu constater ce système de racket mafieux plus tard. Alors, un petit arrêt vite fait sur le syndicalisme dans la police. Alors, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de policiers dans l'équipe, donc on ne peut pas en parler. Mais récemment, avec tout ce qui s'est passé en France, tout ce qui continue de se passer, je pense que les gens sont devenus un petit peu familiers avec cette histoire de syndicat. Ils les ont vus chialer à la télévision. Bon, là, c'est bien expliqué, en fait. C'est les syndicats de policiers, c'est une mafia. Bah, clairement. Voilà, c'est une mafia. Voilà. Il s'en fout. Ah, ouais. il va y revenir. Je précise dans le courrier, il revient ensuite sur le. Il va expliquer, sur la base de problèmes personnels qu'il aura eu, l'attitude des syndicats qui va conforter nos auditeurs dans cette perception. Hein. Mais voilà, il explique, en gros, tu payes, et on t'emmerde pas. Donc c'est comme les mafieux, hein, c'est, voilà... Ouais, le gros bras qui vient pour la protection du magasin, quoi. C'est ça, on te protège. Alors, je pense que ça, c'est valable pour... Or, chez les flics, ça doit être pire, parce que tôt ou tard, il leur arrive des emmerdes. C'est valable pour l'ensemble de la fonction publique. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose que les gilets jaunes soient très très méfiants envers les syndicats. Enfin, c'est encore une fois, hein, c'est logique, parce qu'ils bon, ils ont quand même pas du tout défendu les salariés dans la plupart des cas. Hein. Et les voir, moi j'en reconnais 2-3 sur les ronds-points. Les mecs, ils mettent pas le gilet CGT, hein. Je te le dis clairement. Ouais. Mais enfin bon, c'est vraiment le système de racket mafieux, voilà, on t'emmerde pas si tu payes, en fait. Bah c'est vrai, c'est les corps intermédiaires, quoi. Hein. Ils sont gras, voilà. Comme des moines depuis la République. Hein. C'est ça. Ouais, et puis je crois qu'il y a un gros niveau. Déjà dans la police, plus tu montes et plus t'as des francs-maçons, mais je crois que chez les syndicats, c'est encore pire. Bah déjà, imagine, rien que le syndicat. Bon, t'as compris que tout le monde en fait partie, mais ensuite, il y a à quel syndicat tu appartiens. Alors évidemment, comme il y a des luttes entre les syndicats, des luttes de turf, des luttes d'influence, si t'es de tel syndicat dans tel endroit, ça va pas forcément t'aider. Donc tu vas prendre le syndicat majoritaire dans ton endroit à toi, etc., etc. Enfin, c'est des trucs absolument horribles. Et on voit en fait que cette chienlit, qu'est le syndicalisme... Ne n'aide pas du tout en fait l'institution policière. Enfin, ça ne les aide pas. Enfin, les flics au quotidien, ça les aide pas, quoi. Clairement. Je pense qu'en plus, ils doivent être à la pointe de l'antiracisme, comme les syndicats, hein, à la pointe du féminisme, et que de temps en temps, en fait, ils se doivent de lâcher un mec en pâture. Vous allez voir que c'est horrible. Enfin, les histoires après arrivent, c'est vraiment horrible. Mais de toute façon, comme la police est suspectée par la presse de gauche de fascisme, ce qui est une vaste blague quand on connaît la réalité de la police, et ce témoignage va nous être très utile pour ça, mais comme elle est suspectée a priori de ça, évidemment les syndicats, qui eux sont occupés à toute autre chose, c'est-à-dire en fait à faire du blé, bah évidemment ils donnent tous les gages nécessaires pour prouver que bah non, pas du tout. Et vous avez remarqué, et vous n'avez pas pu le louper précisément grâce aux gilets jaunes, c'est pour ça que j'ai dit que les gilets jaunes nous ont permis en un mois, enfin on fait une œuvre de pédagogie politique inédite. Turbo-déniaisage. Voilà, turbo-déniaisage. En moins d'un mois, les Français ont compris comment leur système fonctionnait alors que ça faisait un siècle qu'ils n'avaient pas pigé. Ils ont vu que, par exemple, à la tête de leur syndicat de policiers, vous avez des Linda Kebab. C'est pas une blague, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Linda Kebab, c'est une musulmane, elle s'appelle Kebab, bon, ça fait marrer les gens, mais c'est vrai, et c'est pas un hasard. Donc, après, on va vous expliquer, oui, mais les syndicats de flics, là, voilà, non, c'est les flics tapent sur le peuple, oui, mais non, ce n'est pas parce que ce sont des fascistes, ça n'a rien à voir avec ça, ils vous tapent dessus pour le blé, voilà, c'est, en gros, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir, mais je vous assure qu'il y aura d'autres éléments. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce qui a été dit jusqu'ici ou non ? D'accord. Alors, deux grands choix en sortie d'école, sécurité publique ou CRS. Je reviens sur le profil CRS, mais la solde est attrayante, ça part en premier. Les fins de classement se retrouvent à la DOPC, les planqués à la PAF, donc Police aux frontières. Bref, ma petite amie de l'époque étant parisienne, je choisis la préfecture de police de Paris. La majeure partie de la promo part en Ile-de-France, il y a eu des larmes à l'amphi. Se quitter est un soulagement car il n'y a, et là il souligne, aucun esprit de corps. Chacun sa gueule, on le comprend très vite. Arrivé sur Paris. Démerdez-vous pour trouver un logement, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Certains ont vécu 2 mois dans leur bagnole, comme des déclassés. Je bosse en équipe de nuit, 2 journées l'ambiance est exécrable. Chacun pour soi et on comprend très vite que la hiérarchie ne vous soutiendra pas en cas de coup dur. Au moins la nuit, il est plus difficile de nous filmer et on peut mettre une tarte à 5 doigts à Zoubir s'il la ramène trop. Un vieux commissaire, ancien gardien de la paix, passé par tous les échelons et en fin de carrière, la vieille école, pas trop bienveillant envers les Nord-Africains, gère les équipes de nuit. Cela se passe plutôt bien professionnellement, j'intègre quelques temps plus tard la BAC, toujours de nuit. Évidemment, ma compagne me quitte, normal vu le rythme de vie. On ressent très vite que, si les halogènes ne vous aiment pas, et il en est de même pour les blancs, surtout les bourgeois, pour qui nous ne valons pas mieux que des éboueurs et qui nous font bien sentir leur mépris. Et aussi, le principal souci de la hiérarchie, c'est leur carrière, et que pour eux, nous ne sommes que du bétail. Dans la très grande majorité, enfin, c'est chacun pour sa gueule. Que le fait, bien sûr, d'avoir été flic sera clairement un handicap si nous voulons nous reconvertir, sauf à vouloir faire vigile de supermarché. Alors, je m'arrête là. Il arrive à Paris. Est-ce que quelqu'un veut en... Sur tout ce que j'ai dit, quelqu'un veut commenter ou pas, ou je continue? Pas spécialement. Bon, non. D'accord. Si, si. Vas-y. Alors déjà, son histoire, elle est un peu merdique, mais elle résume quand même assez bien la vie de pas mal de militaires, de gendarmes ou de flics. C'est-à-dire que quand vous êtes des gens de profession, vous êtes plus ou moins corvéable à merci. Vous l'êtes bien sûr d'autant plus que si vous êtes militaire. Mais il y a énormément de divorces au sein de ces institutions-là, en fait. Donc, comme il le dit si bien, les bourgeois vous considèrent à peine mieux qu'un éboueur. Votre hiérarchie vous lâche parce qu'en fait, les mecs sont pas derrière vous. On n'est plus à une gestion de l'humain en bon père de famille. Ce sont juste des managers qui sont là pour grimper et faire avancer leur carrière, c'est tout. Et ben quand vous êtes dans ce genre de profession, ben vous êtes comme un con en fait, parce que souvent vous vous engagez pour des idéaux, pour vouloir faire avancer les choses, comme il le dit, pouvoir défendre la veuve et l'orphelin, mais en fait vous êtes juste pris en sandwich entre les comptes blancs qui n'ont rien à foutre de votre gueule, votre hiérarchie qui va vous jeter à la première emmerde qui arrive, votre partenaire de vie hein, qui ne pouvant supporter votre train de vie ou les problèmes que vous ramenez à la maison, parce que ça, bon, il n'en a pas parlé, mais quand vous êtes dans ce genre de profession, ben, souvent, vous voyez des choses qui sont très, très, très glauques. Ça vous impacte, hein, ce qu'on appelle le PTSD, les syndromes post-traumatiques. Il n'y en a pas qu'à la guerre. On peut aussi les développer contre les genres de profession, selon ce qu'on fait, même si, bien entendu, la police, c'est pas la guerre. Donc, j'ai envie de dire, les flics devraient quand même réfléchir vis-à-vis de leur engagement et vis-à-vis de leur situation. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est dans une situation tellement merdique, en fait, globalement. Il y a tellement peu de débouchés pour qui que ce soit. Et ça, je crois qu'ils veulent le dire après, c'est que bah, finalement, les mecs, ils ont les deux pieds dans la merde et bah, ils peuvent pas faire mieux, quoi. Et donc, du coup, bah, voilà. C'est ça, exactement. Alors, il va nous parler maintenant de la clientèle qu'il a à traiter. On vit constamment dans les fonds de poubelle de la société. Toxicos, violeurs, pédophiles, tarés en tout genre que l'on retrouve par période. Merci la justice. Il veut dire par là que les gens que vous avez interpellés une première fois, vous les retrouvez très fréquemment au coin de la rue, une seconde fois, une troisième fois, une dixième fois. Concernant la pédophilie, je n'ai jamais travaillé aux mineurs, mais j'ai eu à interpeller un certain nombre de pédocriminels. Je me suis toujours étonné que l'on parle de pédophiles blancs, il y en a, alors que la plupart de ceux que j'ai eu à interpeller étaient africains, nord-africains ou subsahariens. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les plaintes ne vont jamais jusqu'au bout, car c'est réglé au sein de la communauté. En général, chez les crouilles, c'est étouffé par la famille. Que Zoubida se soit fait exploser le tarma à 10 ans par tonton Mouloud semble moins grave que le fait que cela soit rendu public au tribunal. Miracle du Coran. Au tribunal de Bobigny, un collègue ayant eu le malheur de déposer plainte pour outrage, se voir rétorquer, ça fait partie de ton métier de te faire traiter d'enfant de putain. Circuler. Alors, un bref arrêt sur la pédophilie. Moi, quand je lis Libé, je n'entends jamais parler que de prêtres pédophiles. C'est vrai que j'ai un petit peu loupé le passage là sur les... Je sais pas, enfin, peut-être qu'on m'a pas non plus bien rencardé. Je savais pas que les nègres et les bougnoules, ils... Ça, bah, je sais les pas. Bougnoules, quand même, oui, c'est, ouais. Bah, eux, c'est si tu veux, c'est le Coran l'autorise. Donc, Oui. Voilà, oui. C'est licite alors. C'est Aïcha, tu vois, l'islam version Aïcha, c'est pour ceux qui connaissent. Oui, bah, pas, donc, alors rectifiant. Le prophète la loi, de l'islam, la loi, c'est... Hein, voilà, s'est marié avec une gamine de 6 ans. Bon, il a quand même attendu 3 ans pour, la, hein, pour, y faire le, hein, voilà, pour y faire sa fête. Voilà, voilà. J'irai encore donc, plus loin. Donc, 9 ans, c'est 10 ans, c'est un truc de sémite. Vas-y. Oui, c'est un truc de sémite, parfaitement. Ouais. Il y a encore une affaire de juifs là, aux États-Unis, je crois, qui est sortie. Non, mais même. Mieux que ça, gamins, parce que là, c'est un rapt d'enfants entre juifs. Mais bon, c'est une histoire encore sordide, mais même mieux que ça. Je vais diriger les auditeurs vers un site qui s'appelle les Survivors for Justice. Donc, c'est www.sfjny.org. C'est en anglais, c'est monté par un rabbin qui combat les autres rabbins parce qu'en fait, il y a. Alors, ça, bien sûr, on nous le dit pas hein, à la télé, ça se demandait qui c'est qui tient les chaînes d'information. Mais il y a énormément de cas d'abus sexuels, tant par des rabbins qu'au sein des familles, dans les communautés juives. Et notamment les juifs orthodoxes et les assyriques et compagnie. Non. Quoi. Non. Comment ? Non. Ah oui, non, excuse-moi, c'est pas vrai. C'est... Les juifs ne sont. Non, ils sont. Nous ne sommes pas des humains. Non, pardon, désolé. Il y avait un juif qui avait fait un documentaire là, il y a quelques années qui s'appelait Phil Jacobs. Je sais plus quelle ville c'était aux États-Unis. S'appelle... Alors le doc s'appelle Standing Silent. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que c'était un juif élevé dans un. Dans un environnement de. Bah de très sain. Oui, très sain. D'orthodoxe. Et en gros, bon, bah, les rabbins se donnaient à cœur joie à violer des gosses. Quoi. Et bon, bah, jamais personne n'a été arrêté. Quoi. C'est une usine, complètement. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les. Alors, j'ai essayé de chercher les stats, je ne les ai pas trouvées. Mais on peut voir dans. Au niveau inceste, en fait. Rissen nous parle de l'inceste des juifs et j'ai vérifié 2-3 sources à lui, effectivement. Il dit pas de conneries, quoi, tu vois. Tu regardes Elisabeth Badinter, tu regardes Elie Wiesel et compagnie, ouais, les mecs te parlent d'inceste. Bon, si tu cherches inceste et les célébrités juives, tu te rends compte qu'il y en a je sais pas combien qui ont été effectivement molestés par quelqu'un de leur famille, quoi. Et tout ça, ils en parlent pas. Pourquoi ? Bah, parce que forcément, ils veulent pas que les goyes soient au courant. Il a fait un documentaire là-dessus qui est encore sur YouTube, mais c'est pas sûr. C'est peut-être de la pudeur, non, plutôt. Ah. Ouais, puis... El famoso pudeur judéo-judaïque, quoi. Et donc, Pierrot, tu disais qu'il y avait un... Oui, Hervé Rissen avait fait un documentaire qui est disponible sur YouTube, tu disais. Alors, je sais pas s'il est encore disponible à l'heure où on écoute ce truc, mais en fait, il avait fait un documentaire sur les juifs et l'inceste, effectivement, comme disait notre cher démocrate participatif, ça fait peur toutes ces coïncidences. Est-ce qu'on peut aussi mentionner le fait que les rabbins sucent les zizi des enfants après la circoncision? Est-ce que c'est possible de le mentionner, ça ou... Donc, c'est pas un délire d'extrême droite, hein. Je sais pas, vous tapez sur internet circoncision, rabbin sucé, j'en sais rien. Et vous allez tomber sur une pratique que font les rabbins, c'est-à-dire qu'après la circoncision, il y a un peu de sang qui s'écoule du zizi de l'enfant, qui a quelques jours, hein, et donc les rabbins, à l'aide d'une paille, ils doivent absolument sucer le sang qu'il y a sur le zizi en se rapprochant très ouais. près, donc en fait en alors, étalant... alors oui, alors l'aide d'une paille, si tu veux, c'est déjà des modernistes, parce que normalement, il n'y a pas de paille. Et le oui, rite en question s'appelle... Le rite en question s'appelle Mbeziza P, je crois. Et tu as eu des cas à New York, hein, cette ville où les juifs se cachent derrière chaque buisson. Des cas de on en rigole, mais c'est presque pas drôle. Des cas de nourrissons juifs qui ont chopé l'herpès et qui en sont morts parce que le juif était infecté. Quoi. Le rabbin. Et du coup, Derek, c'était même là ce que tu disais quand le coup de la paille. Il y a vraiment des rabbins qui se disputent entre eux pour savoir s'il faut mettre une paille ou pas. Parce que donc, pour des raisons d'hygiène, certains ont dit « Bon, on va continuer à sucer des bites d'enfants, mais on va mettre une paille. » Et les autres, ils ont dit « Attendez, vous ne seriez pas un peu genre moderniste ?» Voilà, le genre de dispute intellectuelle qu'ont les rabbins. Ah bah, Il y avait à commander. Toi, tu prends ça à la légère parce que tu es une bête. Tu ne comprends pas toutes ces subtilités. Mais moi, je comprends tout ça. En tout cas, moi... Je veux, avant d'enchaîner, je veux quand même qu'on rappelle à quel point le judaïsme est une belle religion. Ouais, mais en parlant de la pédophilie, enfin c'est intéressant ce qu'il dit, et ça mériterait peut-être d'y revenir plus tard dans une autre émission, parce que le pédophile, il est toujours considéré, un peu dans l'imaginaire collectif, comme un blanc des classes populaires du nord et de l'est de la France. Ça ne peut jamais être un bougnoule, alors que j'attends les statistiques ethniques avec impatience. Jamais un bourgeois. Tu peux attendre. Hein. Ouais, et jamais un nègre. Alors que je serais pas surpris qu'ils ont des taux qui explosent les stats. Hein. Effectivement. J'enchaîne. Alors, en patrouille, nous nous faisons prendre à partie. Mon équipier, blessé par de la chevrotine, je rencontre sur les ondes. Donc en fait, il téléphone au poste de police. Il dit, voilà, mon collègue a pris un coup de 12, quoi. Réponse. Est-ce qu'il y a des dégâts sur le véhicule? Oh les fils de pute. Et après on va dire que les fonctionnaires ont pas le souci du matériel payé par l'argent public, franchement moi je vous le dis. Alors, le premier réflexe de l'administration en cas de blessure, portiez-vous votre gilet pare-balles, sinon dommage pour vous. On me colle une collègue féminine à l'essai. Mais voyons, elle a suivi la même formation que vous. Elle est tout autant capable que vous. Deuxième jour, obligé d'intervenir pour des violences intrafamiliales, entre guillemets. Des clients bien connus. Une jeune pute à nègre, fraîchement mariée avec, alors là il souligne, hein, un énorme cafre bodybuilder, centrafricain videur de boîtes de nuit de son état. Pour une raison que j'ignore encore, la pute à nègre refuse depuis 6 semaines de consommer le mariage. Évidemment, le nègre est à bout et la tabasse allègrement depuis 15 jours. Et bien sûr, l'autre connasse nous appelle à chaque soir et refuse de déposer plainte à notre arrivée. Jusqu'ici, le nègre était resté calme lors de nos interventions. Sauf que ce soir, il a décidé que si pas N'Golo N'Golo, il se défoulera sur des bleus. Bref, je sonne, il ouvre, me chope par le col et commence à bien m'avoiner. Je rends les coups comme je peux, il m'entraîne au sol et tente de saisir mon arme. Et pendant ce temps, que fait la collègue féminine tout autant capable que moi, entre guillemets? Elle hurle à gorge déployée, au secours, à l'aide! C'est censé elle, être elle le secours. Je me vois déjà dans la rubrique faits divers. Je me sers de mon couteau de botte pour me dégager, souvenir de mon temps passé sous le béret rouge. Je réussis à maîtriser le gorille et finis donc en garde à vue. Pas une arme de dotation, procédure habituelle, blablabla. Bla bla. Arrivent les boeufs carottes de l'IGPN qui cherchent de toute évidence à m'enfoncer. Syndicat très frileux. Ton cas est compliqué, tu comprends, ça va pas être facile, on va voir ce qu'on peut faire. Chance pour moi, je fais à l'époque du Krav Maga avec des youpins. Rappelez-vous, je suis juif, Mazal Tov. Dont un commissaire qui a le bras long, ça passe. Alors là, je vous laisse commenter, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un nazi qui a profité des réseaux juifs, quoi. C'est beau. Bah, c'est un nazi juif qui tombe chez une pute à nègre et qui se fait enfoncer la tête sous l'eau parce qu'il a survécu à son négro qui était en rut, en fait, ces trucs. La France de 2019. Ah ouais, ouais, ouais. Géographie. Et c'est quand même le flic blanc qui est quand même ultra suspecté dans l'affaire. Hein. Ah ben bah, non, mais dire, il est foutu en garde à vue, tu comprends ouais. Il aurait dû coucher avec le nègre, du coup, comme ça il aurait eu des soucis. Bah oui, il aurait dû soulager le nègre, hein. Le pauvre était en souffrance. Peut-être que la dame ne veut pas coucher à cause de l'odeur du nègre, je ne sais pas. Oh, on va pas rentrer dans ces discussions-là et ces considérations, mais non, mais alors, c'est fascinant. Éventuellement donner sa collègue au nègre, tu vois. Moi, je pense que s'ils veulent recruter des gens, il faudrait plutôt commencer par ce genre de récit pour un petit peu. Parce que là, non, mais c'est incroyable, quoi. Ah non, mais vous allez pas voir les flics de la même façon, hein, surtout les syndicats, et on va y revenir. Donc, et bon, voilà, il le dit, hein, je m'en sors, mais là, c'était ric-rac. Alors, il continue. J'ai un collègue, un ami gendarme qui écoutera sûrement ce podcast, coucou ouais. Ali, qui me raconte à chaque fois quand il fait des interventions, en gros, il est obligé de faire extrêmement gaffe quand il est en binôme avec une nana, ou même il essaye de s'arranger pour ne jamais être en binôme avec la nana, parce que bah, c'est un peu ce que tu viens de raconter, Gandalf. Tu n'as pas de binôme, en fait, tu es tout seul. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, non, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'à tout casser, le mec tout seul s'en sortirait mieux. Oui, parce c'est-à-dire qu'il espère qu'il se dit, bon, au pire, elle a une arme, machin. Non, rien du tout. Mec, c'est même pas ça. C'est qu'il doit garantir la sécurité de sa collègue. Donc, c'est un poids mort. Donc, il la met en danger. Ouais, voilà, c'est-à-dire c'est que ça. C'est le type, oui, c'est comme s'il se promenait avec un gamin, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, on va faire une intervention, voilà, allez, voilà. Allez, mets ton sac à dos, hein. c'est ça. Alors, n'oublie pas ton Nutella. Ils appellent ça comment dans le jargon, faire de la garderie, hein. Ah non, ils appellent ça même formation, même compétence. Ouais. C'est l'égalité voilà. De la République. Voilà, c'est ça. Et donc, tu interviens chez... Putain, non, mais chez des nègres de Centrafrique, dopés, qui lèvent de la fonte, et qui veulent baiser de la blanche. Je sais pas si t'imagines, quoi. Le type est là... Et là, t'ouvres la porte. Bonjour, c'est la police nationale. Putain, non, mais imagine, toi. Tu t'en retrouves face à de la barbaque africaine... qui est sous testostérone, qui a pas baisé depuis 15 jours. Putain, et le mec doit avoir quand même des compétences techniques assez bonnes, hein, parce que bon, faut. Bah, il a eu au couteau. Hein. Ouais, il a eu au couteau. Couteau de cheville, hein. Tac. Putain, sale nègre. Ah la vache. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche. Il explique. Hein. En fait, notez bien, hein, dans la procédure, il aurait dû se laisser exploser la gueule par cette espèce de gros nègre. Parce que quand même, c'est méchant de se défendre face à ces gens-là avec un couteau de cheville, quoi. Voilà, ça c'est... Bah encore une fois, hein, Donc, j'ai pas la date, j'ai pas la période. J'aurais aimé savoir quel était son... Bon, à titre purement informatif, hein. Mais j'aurais aimé savoir quel était son ministre de tutelle, parce que, vous savez, les ministres de la police qui n'y connaissent en règle générale que dalle, aiment bien faire des gros discours... Et c'est marrant à mettre ça en miroir avec la réalité. Voilà. Bon. Non, la Centrafrique, rien de spécial. J'enchaîne. Allez. J'enchaîne. Quelques mois plus tard, mon nouveau coéquipier, croyant que c'était un pote central radio, donne le signalement d'un individu que nous avions pris en chasse, pardon, que nous suivions à distance. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, on peut pas dire pris en chasse. C'est politiquement incorrect. Il faut dire on suit à distance. Alors là, il cite le collègue qui parle à la radio. Hein. Suivant un véhicule BMW classe A de couleur sombre, blablabla, conducteur de type blablabla. La radio, donc le type répond, individu de type quoi, pas reçu. Alors normalement, on dit individu de type NA pour nord-africain. Ce soir-là, mon coéquipier était d'humeur lyrique et répond... Individu de type B comme Bico. Manque de bol à la radio, c'est Abdelhafid. Donc, plainte, IGPN, etc., etc. Heureusement pour moi, le collègue endosse la pleine responsabilité. Il sera viré de la BAC et rebasculé en police secours dans un autre commissariat. En BAC de nuit, les clients sont essentiellement mélanisés. Singes maghrébins, gorilles subsahariens, de temps en temps de la blatte turque, limace orientale, le traditionnel manouche. Même si parfois nous faisions de l'exotique, gens de l'Est, gaulois, yulisés. Oui, en région parisienne maintenant, c'est le gaulois qui est l'exotisme, hein, si vous l'ignoriez. Non pas que nous soyons racistes, hein, par règle, hein, il dit, mais même si dans mon cas c'est un euphémisme, mais parce que ce sont ces populations qui sont criminogènes. Eh bien, la réflexion que l'équipe de jour en viendra à faire sera la suivante. donc ceux qui prennent la suite, quoi, hein, après leur service de nuit. Puisque les baqueux de nuit sont des racistes, comme le prouvent les profils de personnes interpellées, nous, nous allons rétablir l'équilibre en interpellant des Gaulois. Et donc, ils passaient leur temps à mettre des timbres amendes, super à la BAC, à des papis, à lancer des procédures pour une minable boulette de shit retrouvée sur Jean-Kévin, interpeller Marie-Sophie pour avoir tagué non au mariage pour tous et autres broutilles, sans que ça n'ait l'air de déranger la hiérarchie. Bien entendu, la BAC de jour, c'était de la diversité, beaucoup de Nord-Africains, quelques créoles, etc. Donc déjà, la BAC de jour, c'est déjà des métèques. Une petite remarque, je suis toujours extrêmement choqué, alors là il s'adresse à nous, démocratie participative, de vous entendre faire la différence entre les Congoïdes et les Boukaks. Il faut toujours rappeler à ces populations que ce sont tous des Africains. De même que le juif peut supporter toutes les injures sauf celle de juif, le Nord-Africain n'est jamais aussi scandalisé que lorsque vous le renvoyez à sa condition de nègre. D'où son obsession pour la femme blanche, pour clarifier sa race maudite. Donc, merci de rappeler que les Moricots sont des nègres, comme le prouvent leur musique, leurs mœurs, leur religion, leur recours à la magie, etc. Alors, je m'arrête là-dessus. Bon, mais j'aime pas, cette théorie. J'ai choqué peut-être des gens, on a peut-être choqué ici des gens, qui ont trouvé qu'on faisait preuve d'une coupable bienveillance à l'égard des nègres d'Afrique du Nord. Ça va être corrigé, ça va être corrigé. Qui veut peut-être... Ouais, ça me... Moi, la minute Lugan, peut-être, là. Ouais, moi, j'ai un oncle, c'est l'inverse, si tu veux. Là, il me dit, ouais, putain, moi, j'aime pas les Arabes, surtout quand c'est des nègres, tu vois. C'est dans le sens inverse, quoi. Alors, on fait comme les Américains, on appelle les bougnoules des sand nigger, des nègres des sables. Ah, nègres des sables, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Personne... Enfin, surtout ce qui a été dit, là, le... Bah... C'est à chaud, là, c'est bien. Bah, moi, je trouve qu'il y a des énormes différences, mais les deux sont aussi merdiques, quoi. Mais je trouve quand même qu'il y a des énormes différences, donc les mettre tous dans un même bain, ça pourrait amener à mal comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Parce que, par exemple, les Arabes ont un ego surdimensionné, alors que le noir peut se trouver très facilement en position d'infériorité. D'ailleurs, le noir, c'est souvent quand on commence à lui faire croire qu'il est notre égal, qu'il pète un plomb. C'est là qu'il devient méchant, qu'il devient agressif. Mais quand on lui donne des ordres, le noir, il est souvent gentil. Allez essayer de donner des ordres à un bougnoule, vous allez voir comment ça se passe. Le mec va sortir son couteau. Ils sont quand même très différents, moi, je trouve. Donc c'est important de faire la distinction. Mais bon, après, les faire rentrer dans la grande catégorie des sous-hommes, ça, on est tous d'accord, quoi. Mais bon. Non, mais c'est à creuser, un nègre des sables, les nègres d'Afrique du Nord, oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'intéressant à noter là sur cette partie-là aussi, c'est que la police, hein, de jour, en tout cas, donc celle qu'on. Oui. Le police du quotidien, est fasciste, hein, clairement, elle cible le voit, les Noirs et les Arabes, Assa Traoré, stop aux violences policières, hein. Alors, elle est fasciste ou elle le devient ? C'est-à-dire qu'à force d'arrêter des Noirs et des Bougnoules, même si au départ tu démarres dans sentiment de gauche... Ah bah non, t'as pas suivi, Pierrot. Là, le type dit que les flics n'arrêtent que des Blancs, quoi, c'est... Non, mais je parle... Ah non, pardon, je confonds avec la BAC de nuit, alors. Tant pour moi. Ouais, le type de jour, la journée, c'est-à-dire que, bon, allez, on va chercher le Blanc, on va lui mettre une prune, peu importe. En fait, il met ça sur le compte, je veux dire, du racisme, etc. Alors, c'est vrai, c'est juste, bien évidemment. Les nègres d'Afrique du Nord et les nègres tout court, créoles et autres, qui sont dans la BAC de jour, vont viser que les Blancs. Pourquoi ? Effectivement, il y a un tropisme anti-blanc, c'est évident. Mais aussi pour se la couler douce. C'est compliqué quand même d'arrêter des criminels endurcis. C'est chiant, surtout que la plupart sont cousins, voire frères. Donc on va mettre les Blancs à turbiner la nuit, parce que c'est des horaires de merde, à risquer leur peau, pour vraiment faire le vrai job, vous voyez ? Et ensuite, le jour, bah, on va mettre les Moricots, les Créoles, toute la clique, à faire chier, en fait, les Français. Voilà. Et tout prend... Donc, en fait, ils allient l'utile à l'agréable, entre guillemets. Voilà. Je pense que c'est ça, hein, la philosophie. Donc, quand vous voyez la BAC de jour, bon, ben... Enfin, selon où vous êtes, hein, bien sûr, hein, mais... vous savez à quel tarif vous allez vous faire avoiner. Quelqu'un d'autre ou j'enchaîne ? Ouais, puis bon, c'est sûr qu'arrêter Jean-Kevin qui a 3 grammes de shit sur lui, c'est relativement facile. Tu vas pas avoir ces lointains cousins qui vont te faire chier quand il est 14h avec tes gardes de l'Est. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, j'enchaîne, et là, vous allez voir, ça devient rigolo. Autre anecdote, la police luxembourgeoise interpelle 4 crouilles français, entre guillemets, qui revenaient d'Amsterdam et pour qui nous avions des fiches. Nous sommes envoyés à la frontière pour les récupérer, assistés d'un jeune commissaire. Arrivés sur place, nous découvrons les 4 babouins pissant le sang. Impossible à identifier tellement les collègues luxo leur avaient appris les bonnes manières. Le jeune commissaire fait un scandale. Mais comment? Mais regardez dans quel état vous les avez mis, on ne peut pas les prendre, ça va nous retomber dessus. Il faut que vous me fassiez un PV pour mieux expliquer les circonstances de l'interpellation. Les Luxos, 2 colosses germaniques, haussent les épaules et lui rétorquent: Les Français, vous nous faites chier avec vos sales bougnoules, récupérez vos merdes. Ah, je vais peut-être aller dans la police luxembourgeoise, moi. Puis ils remontent dans leur fourgon et se tirent en faisant crisser les pneus. L'autre se retrouve comme un flan. Et là, un des bicots dit à ses potes: « On est sauvés maintenant que ce sont les flics français. Ils nous servent le petit déjeuner en cellule, c'est palace. » Bref, des histoires de flics pour expliquer le niveau d'africanisation, j'en ai des tonnes. C'est terrifiant car, à moins d'avoir la foi et de croire au surnaturel, je ne vois pas comment nous pourrions nous en sortir. Surtout quand je vois la fange dans laquelle les blancs aiment se rouler. Les ravages de la pornographie sont immenses. Au bout de 4 passages devant les bœufs carottes, donc l'IGPN, Inspection Générale des Services, chaque fois en état de légitime défense, on m'a fait comprendre qu'à la 5e fois, j'irai au donjon, en tôle, et qu'on verrait à ce que j'y côtoie Rachid et Mokhtar, mon enfumage sur ma prétendue judéité ayant été éventé. Ce fut donc un soulagement de quitter ce cloaque. Comprenez bien qu'au concours d'État, dont celui de la police, on ne peut absolument pas faire de discrimination, contrairement au privé. Donc, la faune halogène s'y engouffre de plus en plus pour faire de l'entrisme. Combien de fois ai-je vu des moricauds en uniforme dire « frère, cousin » sur une intervention à ceux-là même que nous devions interpeller? Exactement le même constat d'un ami qui a eu le malheur d'être maton. Donc surveillant de prison. Hein. Alors, on peut peut-être s'arrêter là-dessus, la connivence en fait entre les de plus en plus, parce qu'on voit de plus en plus des... Moi ça me choque ça. J'en ai vu, ça m'a traumatisé. Des gendarmes, vous savez, des gendarmes nègres qui contrôlent les papiers et les mamies dans les campagnes de l'arrière-pays français, mais dans des départements, vous n'avez pas idée. Hein. Vous avez des nègres qui contrôlent les blancs. Des gendarmes, vous voyez. Et là, tu te dis, ah ça y est, c'est parti. Alors, moi, je me suis fait arrêter par un gros cul blanc qui devait faire dans les 80 kilos, dont 30 de gras. Une femme, hein, et une beurette. Donc je te garantis que quand tu te fais arrêter, moi ça va, hein, je suis un... Déjà les femmes, hein, déjà les femmes, c'est dur. Ouais, je reste un être civilisé, mais... Question, Accuche. Accuche, c'est-à-dire ouais. Bah, il y avait une cuche ou il n'y avait pas une cuche, parce que... C'est, je veux dire, les mètres cubes là, en question, là, parce ah que oui, moi oui, j'ai remarqué. C'est ça que t'appelles cuche. Non, la beurette était, comment dire, dans les normes acceptables, mais je pense que l'autre, je sais pas, enfin, elle faisait pas 5 km en courant. Ouais, d'accord, mais est-ce qu'elles avaient des cuches? Ah oh, bah, elles avaient des culs énormes, quoi. Puis en plus, avec les. Non, non, tu comprends pas, des cuches, c'est ce que c'est une cuche, les cheveux. Une queue de cheval? Une queue de cheval? Non, j'ai pas fait gaffe. Ah, t'as pas fait gaffe, moi ça me choque, un traumatisme. Et que les queues de cheval, ah, c'est non, pas... c'est pas les queues de cheval qui me traumatisent, mais c'est le cul de cheval avec la queue de cheval qui me traumatise. Ah, le cul dans de la cheval, police. Ouais, tu veux dire les cuisses de cheval, quoi. Tout, oui. Ah ouais, ouais, effectivement, c'est... Et alors, avec le pétard sur le côté, tu sais, le 9 mm parabellum, là, hop, Beretta, je peux plus. Je peux plus, moi, ça. Leur façon de surjouer la masculinité, c'est grotesque, quoi. C'est... Ah. Mais tu peux que fermer ta gueule, c'est vachement humiliant. Je veux dire, t'es un homme, t'as une espèce de machin, tu vois, c'est une espèce de poire, parce que d'abord, elle est pas féminine pour un sou. Elle est grasse du cul, comme c'est pas permis. La fille, elle est polie, charmante, comme hein, une porte de tôle. Et, le tabagique, Le Pen. Voilà, et donc, elle vous fait bien sentir que c'est elle qui a le phallus symbolique avec son gros pétard sur le côté, et puis que si vous branchez, elle va vous foutre une amant. Putain, si tu veux faire monter la pression dans un pays, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ah, mais des gens comme ça sur le bord des routes. Elles sont obligées, hein. Parce qu'elles n'ont aucune crédibilité. En principe, quand t'as de l'autorité, c'est naturel, en fait. Tu vois, c'est... Bon, t'as l'uniforme, mais t'as pas besoin d'en faire des tonnes. C'est pour ça que les mecs restent très polis, très, très cordiaux. Bon, c'est les flics, hein, généralement, où il y a plus de gonzesses que dans la gendarmerie. Mais j'ai rarement eu de problème avec les gendarmes. Chez moi, ça reste des blancs. Ils sont courtois. C'est généralement des jeunes. Ils m'ont l'air civilisés. Les gendarmes, je parle. Hein. Après, la police, c'est autre chose. Ouais. Ah oui, je vais te dire. Il y a un truc qui m'est arrivé. J'étais en Bretagne avec un bon copain. Et le mec du cru, quoi. Hein, on se fait arrêter par les flics. Et là, dans les flics, t'as une espèce de... d'indo-mauritano-sri-lankais. Et le mec regarde mon pote, il lui fait « Mais vous êtes d'ici ? Je ne vous ai jamais vu. » Et là, ça nous est passé par la tête du genre « Oui, on est d'ici, mais toi, t'es d'où ? T'es sûr que t'es d'ici, toi ?» Et là, il fallait lui dire des trucs comme ça. Bah, c'est bizarre, moi, c'est exactement la même chose. « Vous êtes sûr que vous êtes d'ici ? Vous avez jamais vu ?» C'est ça, putain, la morgue du type. Oh non, mais les machins bronzés que. Mais j'enchaîne parce que vous allez voir, ça continue. Hein, donc je continue le ce qu'il nous dit. Donc il souligne bien les concours. Il dit c'est valable pour tous les concours de la fonction publique. Donc la mélanisation, la négrification, l'arabisation, les gens marrons partout, ça se systématise. Donc à mon sens, cela explique en grande partie, mais pas seulement, le déchaînement de violence qu'ont subi les Gilets jaunes. Imaginez la jouissance de Mohamed lorsque l'État, et il souligne, l'État, lui donne l'autorisation de se défouler sur des koufars. Pour lui, c'est le califat avant l'heure. À savoir qu'il n'y a pas si longtemps, plusieurs compagnies de CRS ont eu la surprise d'apprendre qu'ils mangeaient halal au mess depuis fort longtemps. Vous comprenez, c'est plus simple pour la logistique, n'est-ce pas, les goyim ? Alors, comment dire, je m'arrête juste là-dessus. Effectivement, ça, je crois que c'est aussi une des grandes leçons des Gilets jaunes. Alors, peut-être que c'est pas aussi évident sur la partie CRS, mais c'est de plus en plus évident avec la partie police, c'est que les bougnoules, et que l'État central en général, se cosmopolitise, pardonnez-moi l'expression, devient de plus en plus, en fait, une milice au service du pouvoir étranger, et donc casser la gueule des Blancs, casser la gueule des Français de souche, non seulement c'est nécessaire, mais en plus ceux qui le font prennent plaisir, hein, pour ne citer que Linda Kebab, représentante du syndicat, d'un des syndicats de police en question, hein, c'est fatalement... cogner de l'électeur frontiste, ça fait du bien, quand même, quelque part, quand tu t'appelles Mohamed. Si on leur demande de ne pas trop abîmer nos chances pour la France, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de blancs, hein, parmi les flics qui ont tapé du gilet jaune, il n'y a pas que du bougnoule. Oui. Faut le reconnaître. Donc si tu demandes, il y a une hiérarchie qui fait pression pour traiter avec une grande dignité nos chances pour la France. Et que tout d'un coup, tu lâches les fauves, bah, les mecs se défoulent. Ça, c'est humain. Ouais. Qui d'autre là-dessus sur la bougnoulisation de l'État de plus en plus avec les conséquences que ça peut comporter ? Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée d'apprendre à des bougnoules ou à des nègres à qui on refile un uniforme des notions de combat, de protection, de leur filer des armes. Je sais pas, ça me fait penser un peu à tous ces bougnoules qui vont un peu dans l'armée, genre 2-3 ans. Et parce qu'après, ils sont contents, ils peuvent faire des actions pour l'État islamique. Voilà, genre de truc. Ça n'est pas l'avis du général de Villiers, cet homme qui va sauver la France. Ouais. Ils en ont encore reparlé, d'ailleurs, cette semaine. Ils lui font encore une petite promotion du général de Villiers. Bah, c'est quasiment toutes les semaines, maintenant. Ça a pas l'air de prendre, hein. Non, elle a un arrière-goût de pisse, quand même. Bah, faut dire, il a un peu la gueule de ce qu'il est, hein. Ouais. Non, ils se sont dit, allez, vas-y, on va tenter. Mais là, ils voient que ça mord pas tellement. Mais enfin, bon, qui vivra verra. Alors, il continue notre vaccinés de la police nationale. Malheureusement, je pense que l'immense majorité d'entre eux, les flics, ne réagira pas. Ils sont tenus par leur salaire et la peur du chômage est extrêmement forte chez les forces de l'ordre. C'est pourquoi je conseille aux droitards, et là ils soulignent, de ne rien attendre des forces de l'ordre et encore moins, souligne-t-il, de l'armée. Dernier petit aparté sur cette farce sordide que l'on appelle la police aux frontières. On fait croire aux gogoy que nous expulsons chaque année X milliers de cafres. Il se trouve qu'un de mes collègues est actuellement à la PAF, au carrefour de trois frontières. Vous n'ignorez pas que, pour la hiérarchie, ce qui compte, ce sont les statistiques. Eh bien, ce collègue m'explique que lorsqu'il contrôle un extra-européen résidant dans un des pays frontaliers qui vient acheter ses patates chez nous, ou visiter nos putanaires, et que ce dernier a oublié son titre de séjour chez lui, il le ramène au poste. Ils prennent donc en audition, appellent les flics du pays voisin pour savoir si ce dernier est bien en règle. Si c'est le cas, comme dans 90% des fois, ils relâchent le cafre en lui demandant de rentrer chez lui. Parfois même, ils demandent qu'une tierce personne vienne présenter le titre de séjour, puis le relâche. Tenez-vous bien, cela rentre dans les statistiques au même titre que s'ils avaient expulsé Boubacar en charter pour le réinsérer dans son biotope, la savane. Et lorsque le type fait l'objet d'une mesure d'expulsion et est envoyé au CRA, Centre de Rétention Administrative, il est relâché dans plus de 80% des cas. Mon nouveau job ne me permet malheureusement pas de m'expatrier. Merci mille fois de vos émissions qui sont une bouffée d'oxygène dans cette fosse sceptique, sémito-franc-masso-pédéraste-musulmique qu'est le franquiste. Alors, il en a gros sur la patate, le démocrate participatif, on le comprend qu'il ne le serait pas après être passé par l'enfer qu'est cette police post-nationale sous direction juive. Mais ceci étant dit, on a eu beaucoup d'informations. Alors sur les dernières informations communiquées par lui, quelqu'un veut-il dire quelque chose? Ben, son copain travaillait sûrement à la PAF de Chamonix. Et pour avoir connu ce poste de police aux frontières, c'est une bande d'alcooliques non anonymes. Hein. Ils ont leur ils sont fiers de l'être, ils le revendiquent. Et une bande de bons à rien comme j'en ai rarement vu hein. Dans toutes les administrations, postes, enfin tout. Acédique, tout cumulé, je crois que les pires bourrins que j'avais vus étaient dans ce poste de police aux frontières. À Chamonix, donc. Bah, ça doit être là que son collègue a opéré, je pense, hein, parce qu'il dit que c'est au carrefour de trois frontières, donc je vois que Chamonix, ou alors peut-être une ville dans le Jura aussi. Ça pourrait être aussi entre l'Allemagne, le Luxembourg, voilà, ça pourrait être là aussi. Hein. Voilà, ouais, c'est ça, il n'y a que ces deux coins là. Ouais. Bon, c'est. Mais enfin bon, je pense que la France est bien défendue à ses frontières. Enfin non, je le pense pas, mais bon. Oui. Bah, en tout cas, ils aident les nègres à rentrer chez eux, tu vois. Voilà, c'est ça. On appelle les flics d'en face pour qu'ils viennent chercher le nègre. C'est bien, hein. Bon, alors, on a un nègre de chez vous, là. Oui, donc. Faut venir avec des papiers hein, quand vous le rendez. Faut rentrer dans les statistiques. Hein, voilà, merci. À plus tard, dans 2 heures. Voilà, et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. Et alors là, ils vous affichent. Imaginez, hein, en France, même en trichant comme des porcs, les mecs n'arrivent à expulser que 10% des clandestins. C'est quand même assez basse. C'est quand même assez balèze, je veux dire. Les mecs, ils truquent les statistiques, ils ont un taux d'échec de 90%. C'est quand même assez costaud. C'est bon. Voilà. Les gens s'étonnent après. Tiens, c'est bizarre, il y a des étrangers chez nous. Étonnant, hein? Étonnant. Avant qu'on passe à la rubrique suivante, beau témoignage quand même. Hein. Riche, dense. Mais là, on a eu une plongée à l'intérieur de la... comme on n'aura jamais sur TF1, quoi. Ni sur, ouais, une fois de plus. Tu pourras en faire des témoignages. Tu pourras en faire des polars magnifiques. Ouais, montrer la réalité de la police vraiment telle qu'elle est, ce serait beaucoup mieux que les polars lénifiant multiculti qui nous sortent en ce moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas à ce démocrate participatif de nous avoir, comment dirais-je, communiqué son vécu. Je pense que ce qui nourrissait encore une fragile illusion vis-à-vis de la police française, bon bah en sont pour leurs frais. Hein. Bon, mais vous vous rattraperez en regardant TF1 et des documentaires sur le GIGN. Hein. Ça vous remontre un petit peu le, je sais pas, en vous disant ouais, on va lécher ça sur les bougnoules. Bon, vous compenserez là-dessus. Personne d'autre ? On passe à la rubrique suivante ? Si, moi, je voulais juste te dire un truc, vite fait. Moi, ce qui revient quand même entre les lignes, c'est que, bon, les Blancs, ils en prennent plein la gueule, mais je dirais que quelque part, on ne mérite pas tout, mais il y a une part de responsabilité énorme. C'est-à-dire que nos filles se font baiser dans les centres de formation de la police. Elles deviennent flics alors qu'elles ne devraient pas l'être. Et on sent quand même que le flic en question, il a croisé beaucoup de babtous fragiles au cours de sa carrière de policier. Et il a en partie raison. Donc quelque part, nous on est des blancs. Donc la particularité du blanc, c'est qu'il sait se remettre en cause. On n'est pas des bougnous, on n'est pas des nègres. C'est ce qui fait notre force. Quelque part. Bon voilà quoi, hein. Je veux dire, l'expression babtou fragile, elle n'arrive pas de nulle part. Il y a une part de réalité. Bah en fait, depuis que je rebondis très rapidement sur ce que tu viens de dire, depuis que la police est devenue n'est plus la planque qu'elle était pendant les 30 Glorieuses, à l'époque où Coluche en faisait des sketchs, où là c'était vraiment en fait le blanc qui voulait devenir flic, c'était soit quelqu'un qui avait l'intention d'aider son prochain, soit à quelqu'un qui voulait être planqué, ne rien branler et avoir la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, où c'est devenu un peu plus compliqué, il y a deux profils, quoi. T'as toujours le même profil des gens qui veulent des naïfs qui pensent qu'ils vont pouvoir aider un peu, foutre des criminels en prison. Bon, ils savent pas qu'en fait ils vont faire rentrer des nègres en France. Mais tu as le profil du fragile, justement, qui s'est fait laminer toute sa vie. Bon, et d'ailleurs, il n'y a pas que des fragiles, hein, il n'y a pas que des babtous fragiles qui sont laminés, parce qu'il faut savoir que c'est dans les banlieues, les Arabes, les Noirs attaquent souvent en supériorité numérique, en étant beaucoup plus vieux. Enfin, moi, je sais qu'à 12-13 ans, c'était des gamins des bandes de 16-17 ans qui nous racketaient, pour ceux qui avaient des choses à racketter. Comme je l'avais déjà dit dans une autre émission, Dieu merci, j'avais rien à racketter, mais sinon je me serais fait racketter comme les autres. Hein. Donc il y a, en fait, c'est souvent le profil du babtou qui s'en prend plein la gueule et qui se dit bon, je vais choper l'insigne, je vais choper l'uniforme. Et là, quand il arrive, la première chose qu'il voit, c'est des bougnoules et des nègres autour de lui. Donc là, il déchante très très vite. Mais il y a ce profil de babtou fragile, effectivement, qui rentre dans la police pour finalement avoir un peu de puissance, quoi. Et puis, en fait, il se rend compte qu'il ne sera qu'une sombre merde qui devra obéir aux dictats multiculturalistes, comme tous les autres, quoi. Et puis, qu'il y aura des collègues bougnoules qui lui diront quoi faire ou faire, comment le faire. Ouais, alors individuellement, je pense que t'as vraiment des blancs, mais de qualité supérieure. D'ailleurs, je pense que l'auditeur en est un. Mais c'est collectivement que nous sommes, que nous devons nous remettre en question, parce que si un blanc, pour se protéger et pour profiter du soutien d'une communauté, est obligé de s'allier avec les 10 juifs qui représentent 10 sur 240, ça fait un quart de pourcent, tu te rends compte, le mec est obligé de tirer profit de la communauté juive. Alors qu'ils sont un quart de pourcent dans les effectifs. Tu vois, c'est déjà moitié moins que ce qu'ils représentent dans la population française. Moi, ça me fait mal. Personnellement, ça me fait mal. Quelqu'un d'autre ? D'accord, on passe au sujet suivant, les amis, rubrique numéro 2. Alors, nous allons à Lille, où nous allons voir un épisode d'homophobie mélangé à du multiculturalisme. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je cite BFM TV, voici ce que ça nous dit. Alors, un homme d'une trentaine d'années a été blessé mercredi soir à Lille lors d'une bagarre avec trois hommes qui, selon lui, lui ont lancé des insultes homophobe en le voyant tenir son compagnon par le bras et il affirme que la police a refusé de recevoir sa plainte. Alors, on vient de parler de la police républicaine, c'est scandaleux. Je suis personnellement scandalisé d'avoir vu, de constater que la police républicaine ne défend pas les PD. Mercredi, vers 20h, dans une rue du centre-ville, près d'une bouche de métro, trois gars ont commencé à nous insulter parce que je tenais mon compagnon par le bras, a déclaré samedi à l'AFP Fares Araoudiou, 34 ans, confirmant une information du site LGBT Inverti. Ça existe. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire, a ajouté cet ancien amateur de boxe thaï, expliquant les avoir insultés en retour et s'être battu avec eux avant que les trois hommes ne finissent par partir. Ils ont pris des coups, a-t-il dit, précisant que son compagnon, lui, ne s'était pas battu. Selon Fares Raoudiou, trois policiers se trouvaient à une cinquantaine de mètres de là et leur auraient conseillé de se rendre au commissariat central. Toujours selon son témoignage, le couple d'hommes a sonné à l'interphone au du commissariat vers 22h, n'a pas pu entrer et s'est vu expliquer par un agent que leur plainte n'était pas recevable, faute de certificat médical et qu'ils n'avaient pas à se tenir par le bras. Fares s'est depuis vu prescrire 4 jours d'ITT, souffrant de deux côtes et d'une clavicule fêlée. Il envisageait de déposer plainte samedi soir à Montpellier où il vit. Alors on passe de Lille à Montpellier, vous avez remarqué. Hein. Avant c'était la, vous savez, c'est la France de Dunkerque à Tamanrasset, ouais, ça évolue un petit peu, mais on reste toujours sur le mode du Maghreb. Pour violence, alors il portait plainte pour violence volontaire et homophobe, ainsi que pour non-assistance à personne en danger de la part de la police de Lille. Selon la Voix du Nord, la Sûreté urbaine de Lille a ouvert une enquête pour retrouver les agresseurs et savoir pourquoi le plaignant n'a pas pu faire enregistrer sa plainte. Sollicité, la préfecture de Lille n'a pas donné suite samedi soir. Alors, je vous laisse évaluer les dysfonctionnements, car dysfonctionnement il y a. Pourquoi notre police ne défend pas nos bougnoules homosexuels, voilà, contre nos bougnoules homophobes? Je ne comprends pas. Non, mais ce gaspillage d'énergie, tu te rends compte ce qu'on est réduit à faire, quoi. Les flics qui déjà ne sont pas certains arrêter les blancs. Alors attends, je t'arrête pour le coup. Ils ne voulaient pas gaspiller d'énergie, les flics, pour une fois. Ben oui, parce que bon, là, voilà, c'est pas bankable comme truc. Hein. Alors quel était le profil racial des flics en question? Je pense que c'était aussi des Arabes. Ben bien sûr. Mais quel flic aurait dit non, mais vous aviez qu'à pas tenir par la même. Un blanc n'aurait pas osé. Il se serait fait virer de suite. Un arabe, bon, ben c'est. Mais qu'est-ce que t'as, ça, le PD, à venir me faire chier, quoi. Bien sûr. Ouais. Non, là, on est dans une histoire arabo-arable, hein. C'est clair. Voilà. Entre Lille et Montpellier, des Arabes agressent des Arabes et vont porter plainte auprès des Arabes en France. Tout va bien. Et je tiens quand même à le souligner, l'inspection générale des services va quand même voir si effectivement il y a un blanc inséré ou pas. S'il n'y a pas de blanc inséré, malheureusement pour la victime, je crois qu'il pourra s'asseoir dessus, sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, une fiotte qui prend son collègue par le bras, c'est un militant provocateur et masochiste, parce que on n'est plus dans la France des années 80 où être une fiotte c'est super. Plus personne n'en peut plus, et puis il y a surtout une population qui vient d'Afrique qui, malgré au-delà de tous ses défauts, a une petite qualité. C'est l'homophobie. Voilà, l'homophobie. Hein. Idda Poupou, pour ceux qui connaissent la vidéo. C'est légendaire, quoi. Donc, les mecs qui se tiennent par le bras, ils ont envie de se faire savater. Faut comprendre, un homosexuel, à la base, c'est quelqu'un qui aime la douleur. Hein. L'orgasme de l'homosexuel, c'est une libération d'endorphine. C'est la douleur qu'il a de s'en prendre plein le fion et qui lui fait libérer de l'endorphine. Donc, se prendre une raclée, c'est la prolongation de son acte sexuel, quoi. Et ce sont des masochistes. Alors, quand ils peuvent camoufler ce masochisme avec du militantisme, bah c'est parfait, il se paye, vous savez, c'est comme le bougnoul qui déguise son envie de tuer des blancs avec une guerre sainte et un djihad, et ben eux, ils déguisent leur envie de se faire défoncer la gueule et de se prendre une rouste, ils la déguisent en militantisme. Donc ils se prennent par le bras en disant, nous, vous voyez, on n'a pas peur. Bah, bien sûr que t'as pas peur, tu ne rêves que de ça, tu ne rêves que de ça, de te prendre une branlée. Ces mecs sont dépendants à l'endorphine. Faut capter chimiquement comment ils fonctionnent, quoi. C'est la douleur qui les fait vivre. Analyse intéressante. Qui d'autre, là, sur ce... Alors, juste pour les gens qui éventuellement ne connaîtraient pas, la personne dont parle Asté, c'est Martin Sempa, qui est un pasteur de l'Ouganda, et qui est très célèbre pour sa vidéo dans laquelle il dit « Dei de poupou !» Il parle d'une vidéo où il y a des homos qui sont des scatophiles, par ailleurs. On a parlé du pasteur. Hein. Il anime une task force. C'est un grand ami de l'émission. Alors, moi, je signe avec mes pieds. Hein. Moi, je recrute le pasteur Sempa pour faire, pour les travaux que nous envisageons. On va lui laisser gérer les camps de rééducation en Afrique, je pense. Ah non, mais... Mais pas qu'en Afrique. Je pense que nous avons besoin de son expertise en Europe. Voilà, en Seine-Saint-Denis, ouais. Je pense qu'au niveau expertise et niveau camp en Europe, on sait faire. On sait faire, mais... Il faut des consultants, quand même. Un regard extérieur, c'est toujours le bienvenu. Oui, c'est bien. Et puis surtout, pour gérer des populations dont, culturellement, ils sont proches. Pour certains. Pas pour tous, parce qu'on a quand même des homosexuels qui sont natifs. Mais on en a aussi... Attention, parce qu'on s'est sous-estimé, ça. Parce qu'effectivement, les Africains haïssent la sexualité, mais on sous-estime ce phénomène tout à fait particulier des fiottes nègres. Faut pas sous-estimer ce phénomène-là. Alors Macron, je crois qu'il ne le sous-estime pas, au contraire, hein, il est tout à fait au courant. Hein, oui, il est au courant. Il mise dessus, lui. Oui, carrément. Oui. Bah, là, on a vu la fête de la musique. Hein, c'est devenu... Bah, tu parlais de légende, légendaire. Bah, là, c'est la fête de la musique. Je crois que c'est ce qui a un petit... C'était le dernier clou dans le cercueil de l'Elysée. Il n'y avait plus trop grand-chose qui faisait tenir la boutique. Mais alors, les nègres déguisés en femmes qui gigotent... Enfin, les sodomites homosexuels africains sur le palier de l'Elysée, là, ça a été le... Voilà, bon, ça, c'est... Je crois qu'après ça, de toute façon, il n'y a plus rien à sauver là-dedans, si tant est... Peut-être le mobilier, et encore, ils sont en train de le saccager, je crois. Ah, et la vaisselle, ils viennent la faire changer, quand même. Ouais, voilà. Tu peux récupérer la moquette, aussi. C'est une juive qui aura fait la déco, hein, c'est ça? Oui, pendant que tu me fais relever ça, effectivement... faut jamais oublier de noter que les juifs... Tiens, parlons des juifs. Alors, j'allais vous donner le nom, d'ailleurs. Isabelle Stanislas, qui est une juive marocaine, qui a aussi le passeport israélien, français et marocain, hein, parce que... Maintenant, on en est à 3 passeports, hein, je précise pour ceux... Parce que pendant très longtemps, on a discuté de double nationalité. Ça, c'est vraiment le monde d'hier. Hein. Le monde de demain, c'est 4. 4-5 passeports à peu près. Le monde d'aujourd'hui, c'est 3. Le monde d'hier, c'est 2. Et puis, alors, le siècle dernier, c'est 1. C'est les Français de souche avec un passeport, celui de leur pays. Mais enfin, bon, eux, de toute façon, on s'en fout. Ils disparaissent. Donc, voilà. Donc, ça, on s'en fout. Dans les familles juives, ils jouent au jeu des 7 familles avec les passeports. Hein. C'est l'Europe, Angleterre, Pays-Bas. C'est ça. Et alors donc, comment dire, Isabelle Stanislas a donc récolté effectivement, cher Derek, l'appel d'offres, comme on dit, de la redécoration de la salle des fêtes de l'Elysée pour une somme très modique, hein, somme toute déclarée. Voilà, c'est-à-dire pour faire un caméo de gris, c'est-à-dire qu'elle a pris du blanc, du noir, elle en a foutu un petit peu partout, et voilà. C'est ce qu'on appelle de l'aménagement haut de gamme, etc. Ah voilà. Donc, Isabelle Stanislas, qui va décorer l'Elysée pour vous, avec votre argent, cher auditeur, c'est bien. J'ai noté aussi qu'elle avait... elle décore à Tel Aviv aussi, elle décore à Tel Aviv. J'invente rien, elle décore à Tel Aviv aussi, quoi, c'est pas... C'est non, mais c'est un hasard. Ah oui, bah oui, c'est une coïncidence. Alors, quelqu'un d'autre sur cette anecdote? C'est vrai que, vous avez vu, on voyage beaucoup, parce que... On partait via les anus en fait de l'Afrique, on a fait le lien avec l'Elysée, mais pour en revenir à nos PD, Bougnoul, truc, Beans, rien de plus. Ça s'appelle pas non plus de grandes dissertations, hein, non? D'accord. Rubrique numéro 3. Rubrique numéro 3, les amis. Alors, le droit tard de la semaine. Ah, le droit tard de la semaine. Alors, on en tient un qui est presque de l'ordre du miracle, surtout là où il opérait. Philippe Sauvanet. Philippe Sauvanet, vous n'en avez jamais entendu parler, et c'est bien normal, et vous n'allez plus jamais en entendre parler, et c'est tout à fait normal aussi. Je cite la presse. C'est le journal Le Monde qui s'en émeut. Le journal Le Monde a des émotions. On comprend, puisqu'il est géré par un certain Dreyfus. Oui, donc il est humain, donc il peut avoir des émotions. Très émotif sous la direction de M. Dreyfus, propriété de M. Pigas, banquier lui aussi, non pas originaire d'Auvergne, mais un petit peu plus de Tel Aviv. Ça fait ton sur ton avec la décoration de l'Elysée, et même avec ceux qui l'occupent. Sans mauvais jeu de mots, hein, sur le terme de l'occupation et de Tel Aviv. Enfin, bon, hein. Philippe Sauvanet, qu'est-ce que nous dit ce monsieur ? L'affaire fait scandale à Lyon, dit Le Monde. Des tweets xénophobes, racistes et indignes du statut de magistrat. Farid Hamel, ça commence comme ça, hein, sur les chapeaux de roue. Farid Hamel a fait part de sa vive émotion au président du tribunal administratif de Lyon après la révélation par le Canard enchaîné le 5 décembre d'une série de tweets rédigés par Philippe Sauvanet, magistrat honoraire de la Cour nationale du droit d'asile, CND. Ce président de chambre a immédiatement été invité à démissionner. Par qui, on ne sait pas. Hein. Il a aussi fermé son compte Twitter. Donc, il y a Farid qui n'est pas content parce que M. Sauvanet, magistrat statuant donc sur les cas de clandestins présents sur le territoire français, visiblement ne parle pas comme il faut. Hein, c'est Farid qui le dit. Dans son courrier daté du 13 décembre, le bâtonnier, donc Farid, hein, de l'ordre des avocats demande au tribunal administratif de lui fournir la liste de l'ensemble des dossiers jugés par M. Sauvanet. Objectif de Farid, rouvrir toutes les procédures traitées de février 2016 à novembre 2018, période durant laquelle le juge honoraire a été en poste au tribunal administratif de Lyon avant d'exercer à la CNDA. L'ancien sous-préfet à la retraite était chargé des audiences à juge unique consacrées aux recours déposés par les obligations de quitter le territoire français à délai rapide, donc en fait ceux qui doivent être expulsés, quoi. Donc selon les premières estimations du barreau de Lyon, il a rendu une centaine de décisions relatives à ces OQTF, 6 semaines. C'est un peu barbare, mais donc c'est ceux qui ont l'obligation de quitter le territoire français dans les 6 semaines, quoi. Il était très avenant pendant les audiences, sans signe apparent de subjectivité. Il a rendu des jugements plutôt lapidaires dans un contentieux assez standardisé, confie Morad Zouine, donc encore un Lyonnais, président de la commission du droit des étrangers au barreau de Lyon. Mais depuis cette affaire, le doute s'est instillé sur sa partialité. On se demande comment sa hiérarchie l'a laissé en place sans s'apercevoir de ses idées xénophobes. Les professions juridiques se sentent trahies. On veut savoir jusqu'à quel point il a pu véhiculer une idéologie en son nom propre, et certainement pas au nom du peuple français, ajoute son confrère, avocat Jean-Philippe Petit. Hein ? Ah merde, c'est pas un arabe celui-là. C'est pas un arabe, mais il a peut-être quelques... Lui-même est peut-être quelqu'un qui idéologiquement est motivé, mais enfin, je ne sais pas. Ah non, bah non, alors, non. Oh, il n'y a que l'extrême droite qui est motivée. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, la magistrature est vraiment d'extrême droite, c'est lourdement au quotidien. Alors, la plupart des jugements de ce monsieur ont fait l'objet d'appels. S'il y avait eu des problèmes juridiques, il aurait été revu par le second degré de juridiction, relativise un magistrat administratif lyonnais. Au-delà de l'étude des jugements rendus, le barreau de Lyon réfléchit à un recours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et ce pour dénoncer plus généralement l'absence de possibilité de révision d'une décision administrative à partir d'éléments nouveaux, ce qui est offert dans l'ordre judiciaire. Alors, ce qu'ils veulent dire par là, c'est ce que disent donc en fait les magistrats de Lyon, ils veulent que la Cour européenne se saisisse du truc pour créer un précédent, pour ouvrir... une nouvelle fenêtre pour les clandos, pour qu'ils remettent en question, en fait, la partialité des magistrats. D'accord ? Donc, ils veulent dire, voyez, on a un cas, voilà, il y a un magistrat qui n'était pas neutre, peut-être, voilà. Donc, il faut un nouvel appel. Donc, en plus de tout ce qui existe, quoi. Donc, il y aura l'appel. Voilà, pour que, parce que quand même, la France étant racialement quand même très, très homogène, je veux dire, faut quand même laisser des possibilités. Et est-ce qu'on pourrait demander un appel pour Esteban et son pote, non ? Ah ben je sais pas, je crois pas que ce soit au programme. Alors en tout cas voilà, donc je vous ai présenté le cas de ce Philippe Sauvanet, pour le coup le seul magistrat de France peut-être qu'on va sauver. Oui. Bah c'est à moins qu'il y ait ministre, quoi. Voilà. Secrétaire d'État chargé de la refonte des institutions judiciaires. Voilà. Voilà. Moi j'appellerais ça purge, mais bon. Moi, je suis un esprit assez élémentaire, moi, donc... Non, mais ça, ce sera pour le ministre de la Justice, le ministre de tutelle. Ah, oui. Voilà, ministre de... D'accord. Bien. De la purge. Alors, monsieur Sauvanet, vous êtes en retraite, vous avez voulu servir la France. Toutes nos salutations en tant que démocrate participatif. Vous avez voulu participer, vous avez voulu faire vivre cette démocratie. Vous l'avez fait relativement bien, puisque je crois qu'il y a une centaine de dossiers qui ont été traités. Je veux croire que peut-être... Vous avez quand même renvoyé une vingtaine, une trentaine de nègres dans leur pays horrible, et avec un peu plus de chance, un ou deux seront crevés dans le processus, je veux le croire. En tout cas, salutations, et je vais interroger nos participants peut-être sur l'ambiance qui règne dans la magistrature française. J'aimerais bien faire un petit commentaire. Faire respecter la loi, c'est illégal en France maintenant. Oui. C'est ça, hein. Ben en fait, tu peux faire des trucs, mais bon, si on sait que t'es l'extrême droite, ben tu n'es pas à même de juger, tu vois. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir des opinions personnelles. C'est interdit. Sauf si tu es d'extrême gauche. Là, bon, ben, c'est conseillé même d'avoir des opinions d'extrême gauche. C'est l'opinion obligatoire, hein. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est, alors tu as les Arabes, Mourad Zouine, des mecs, alors tu... Neutre. Ces trucs-là... Moi, je suis désolé, mais je comprends qu'on soit suspicieux vis-à-vis de M. Sauvanet en France. Moi, je vois un M. Sauvanet qui rend des décisions en France, je suis suspect. Oui, non, mais c'est... Par contre, je vois Farid. Moi, je pense qu'il est impartial. Tout à fait. Je trouve que le questionner, c'est déjà un peu... Vous allez un peu loin, même, de poser la question, oui. À savoir s'il est partial. La saloperie, si tu veux, c'est que les... Bon, le type, là, le juge, faisait le premier jugement, quoi. Il s'est bien dit dans l'article que tu as eu, après, les mecs, quand ils se font expulser... d'office, il faut appel. Donc le truc a été rejugé. Et si les gens ont été... Excusez-moi, les nègres. Oui, pardon. Oula, oula. un moment de faiblesse. Ah, c'est le nouvel an, mais bon. Donc les nègres, si les nègres ont été expulsés en appel, peu importe ce qui s'était passé au départ, c'était confirmé par la suite par un juge qui n'était pas M. Sauvanet. Donc là, tu as l'arabe qui arrive, qui veut tout remettre à plat, parce qu'un type, il pense pas comme il faut. Il n'a pas le droit, dans sa tête, c'est pas autorisé. Qu'il pense. Je crois que c'est même pas le fait qu'il pense, c'est qu'il est français. Ça fait déjà beaucoup, quand même. Oui, aussi, c'est vrai que bon... Mais bon, s'il est français, il laisse les arabes faire ce qu'ils veulent, ou les nègres, hein, ça, bon, voilà... On peut tolérer qu'il soit français quand même. Un certain temps, pas trop longtemps, faut pas déconner non plus. Mais on peut. Alors moi, je tiens quand même à dire que je fais totalement confiance à la justice de mon pays. Oui, oh oui, tout à fait. Enfin, quand c'est M. Sauvanet qui juge. Qui d'autre sur ce. Moi, je vais faire un petit mot quand même sur l'OQTF, là, l'obligation de quitter le territoire français. Alors en fait, quand il y a ce genre de procédure, donc les nègres incriminés. Ils ont environ une trentaine de jours, pas pour quitter le territoire en fait. Ça, c'est la version très simplifiée. Je mets un peu de subtilité. C'est qu'en fait, ils ont un dossier et ils ont 30 jours pour en gros changer de statut dans le dossier. Et ça peut finir sur une expulsion. Mais c'est très peu souvent le cas. Les nègres concernés, c'est généralement les types, ils bitent rien à rien et encore moins la langue française. Et t'as tout un tas d'associations qui les prennent en charge de A à Z. qui leur expliquent tout, qui font même les procédures à leur place, qui leur font signer tout un tas de papiers parce qu'ils connaissent le truc sur le bout des doigts, hein, je pense mieux que les juges, et qui ont soit qu'ils arrivent à faire changer l'expulsion, et finalement bah y a plus rien derrière, ou juste à faire changer un peu le statut, et du coup le nègre il gagne quelques semaines ou quelques mois de sursis pour à nouveau enclencher une procédure, etc. Et des fois ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Donc t'as tout un tas de ministres d'extrême gauche là-dessus qui sont très très opérationnels sur ce genre de sujet. Hein. Les mecs ils sont calés. Et le nombre d'expulsions qui arrivent à la fin, c'est très très peu finalement, parce que c'est un jeu où finalement t'es obligé de perdre, parce que le mec qui est dans la sauce et qui s'occupe de ça, lui fait que ça de ses journées. Alors que le juge, lui, si tu veux, il est débordé, quoi. Il a 50 000 affaires à traiter et les petits alinéas du paragraphe de je sais pas trop quoi, il les connaît pas tous par cœur et il a autre chose à foutre, quoi. Donc voilà ce genre de type procédé, quoi. C'est juste, c'est juste. Voilà, donc bon, bah le droit de la semaine, monsieur Sevanet, une pensée pour lui, surtout qu'il est en retraite, il travaille sur son temps libre en plus, c'est scandaleux. À ne pas confondre avec madame Sautarel, hein. C'est monsieur Sevanet. Oui, monsieur Sevanet, exact. Quelqu'un d'autre là-dessus ? Petit truc encore, oui. L'arabe là veut, enfin l'arabe, un des arabes là, veut porter le truc, faire un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Rendez-vous compte que pour, je sais pas, les types expulsés doivent avoir peut-être une vingtaine parmi les 100 cas qu'il a traités, hein, je pense pas qu'au final... Je suis même pas sûr, je suis même pas sûr, encore, non. Allez, on va être magnanime, on va dire qu'il y en a une vingtaine. Une vingtaine. Voilà. Toute la machine qu'il y a eu. Donc, il y a eu des procès, un premier truc. Il y a eu des appels. Il y a peut-être même eu des trucs, des recours en cassation. Et là, tu as l'arabe qui arrive, qui veut faire maintenant des. Rouvrir. Ouais, rouvrir tout, on repart à zéro, et puis même on va aller à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que tout ce truc-là, ça va faire tourner des tribunaux. Ouais. Toute la machine, enfin toute l'administration, j'ai envie de dire, tout ça, ce n'est pas gratuit, hein, c'est vous qui payez, hein, c'est vos impôts, toute cette, ça, ouais, le résultat au final, il est nul, il y en a aucun qui est expulsé, ou une poignée, mais vous avez payé des dizaines de millions, ça, toute cette histoire-là, c'est des dizaines de millions d'euros, hein, au minimum. À toi, faire marcher tout ça, ah, bien évidemment. Non, mais rien que pour le cas Sauvanet, rien que pour les trucs à réouvrir ça, tu as tout, un tribunal, un cas, etc. Enfin, c'est la Cour européenne. C'est pour ça, c'est pour ça que moi je dis, on ne s'en sortira que par le fascisme. Oui, ben. C'est avec le fascisme, nous ferons des économies. Oh, des économies, les gens. Oh, en veux-tu, en voilà. Oh là là, là les gens n'en croiront pas leurs yeux, ils vont dire mais c'est un miracle, et bah oui, le miracle du fascisme, mais ils vont, vous allez économiser de l'argent jamais vous avez économisé. Ah mais oui, mais c'est ça, non mais les gens sont là, les gens sont naïfs, les gens, on leur bourre le mou, on leur dit l'état de droit, tu sais, on leur dit l'état de droit, alors ils entendent le mot droit, ils disent ah tiens, j'ai le droit, j'ai gagné un truc, tu vois, non, t'as rien gagné, t'as gagné des taxes. Non, ouais. T'es un blanc, toi t'as perdu, toi. Non, c'est les métèques qui ont gagné un truc, toi t'as tout perdu. Donc, mais c'est tellement enraciné dans leur truc, alors il faut leur expliquer que le fascisme, c'est le droit des blancs. Voilà, et voilà. Puis, bon, alors il faut tourner ça bien, hein, mais en gros c'est ça, quoi. Hein, c'est le droit des blancs et les métèques qui dégagent. Mais c'est compliqué à faire entrer ça dans la tête des gens. Hein. Ils sont là avec leurs trucs, leurs recours, leurs droits de l'homme. Ah, les droits de l'homme, c'est magnifique, ça. Ah, oui. Oui, bah... Ah, mais les droits de l'homme, ça dépend du taux de mélanine aussi. Hein. La dignité humaine. Ah, ah ouais, puis c'est... Il faut savoir un truc aussi, c'est que, désolé je te coupe, parce que, bon, il faut savoir un truc, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'est prémunie du point de vue législatif, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas, au nom des droits de l'homme, faire en sorte que les droits de l'homme ne s'appliquent pas. C'est-à-dire, en gros, t'es blanc, tu ne peux pas aller à la Cour européenne des droits de l'homme, dire mes droits de l'homme sont bafoués par vos droits de l'homme. Donc, de facto... Les droits, ce ne sont pas les droits de l'homme, ça n'existe pas. Ce sont le droit de toutes les Untermensch ratio de nous envahir. C'est ça. Mais je rebondis sur ce que tu disais, Gandalf, à savoir que c'est très dur de le faire rentrer dans la tête de nos contemporains. En fait, le gros problème, c'est que les gens ne savent plus avoir une vision politique. à savoir prendre de la hauteur et ne voir que le bien commun, au-delà de son petit individu. L'impossibilité de s'élever au-delà d'eux-mêmes fait que leur vision politique, en gros, c'est défendre leur petit copain bougnoul ou leur voisin maigre ou leur femme de ménage thaïlandaise. Et ils en ont rien à foutre du bien commun de la France, quoi. Certes, bien sûr, mais il faut parler argent avec ces gens-là, hein. Il faut leur expliquer que ce qu'on a fait là. Voilà, il faut leur expliquer concrètement ce que ça leur coûte. Quand on commence à parler, de toute façon, en général, hein, je veux dire, les bons sentiments, ça c'est très bien, tout le monde en professe, hein, j'aime tout le monde, parce que ça fait bien. Enfin, je veux dire, on est bien d'accord que entre, je sais pas, la froide logique que commanderait le bien commun et, enfin, d'une part, et passer pour un mec bien en public, les gens choisiront toujours le bobard. Et l'illusion, ils diront toujours, oui, moi je suis un mec bien, j'aime tout le monde, machin. Sauf qu'en fait, quand vous creusez, par exemple, ça me fait marrer, j'ai vu une émission, enfin, pas, c'est des reportages récemment des micro-trottoirs. On dit à des nanas, oui, alors vous avec quelle race tu ne sortirais pas? Ils demandent à des filles comme ça, random dans la rue. Et toutes les filles disent pratiquement, moi j'ai pas d'a priori, quoi. Et en fait, le type, il creuse derrière, il dit, par exemple, est-ce qu'avec les Indiens, les Pakistanais, alors là, c'est un niet absolu, quoi. Toutes. Que ce soit des négresses, des blanches, toutes, non, moi je veux rien avoir à faire avec des Indiens, etc. Et après, le mec, il attaque sur d'autres cas, il dit par exemple, d'accord, à des Roumains, il dit des Roumains, mais enfin, les Roumains, c'est pas les Roumains. Quand il dit les Roumains en France, évidemment, tout le monde a l'idée le Rhum, en fait. Bon, c'est, heureusement, c'est, la Roumanie, c'est pas que les Roms, mais bon. Et les femmes, c'est pareil. Enfin, elles disent, ah oui, moi, je suis ouvert à tout, etc. Alors, il y a un Roumain, non, j'ai un problème avec ça, quand même, et tout. Donc, tout ça pour dire quoi, en fait? En fait, dans le déclaratif, vous aurez toujours des gens qui sont super généreux, mais qui ont la main, qui ont le cœur sur la main. Ils sont antiracistes, ils veulent partager, ils veulent. Puis quand vous leur posez des questions concrètes, c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, soyez concrets. Dans tout ce que vous dites, dans toutes vos interactions, je veux dire, en termes de discussion avec les personnes, soyez concrets. Mettez toujours quelque chose de concret. Mettez des chiffres, mettez des exemples, et mettez-les surtout face à ça, personnellement, individuellement. Vous allez voir qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont prêts à faire, il y a un univers. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que les types vous racontent sur les droits de l'homme. Ils répètent, c'est comme dans l'Union soviétique. Vous êtes contre ou pour la lutte des classes? Ah non, on est pour la dictature du prolétariat, bien sûr. Voilà. Mais vous, au quotidien, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux plus d'argent. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Et il faut insister là-dessus, parce que c'est une bonne façon de faire dérailler la narration qui est imposée et qui permet au système de nous envoyer de plus en plus vers le chaos, parce que tout ce qu'ils font là, par exemple, très concrètement, je reviens un petit peu au point de départ, là, l'histoire des migrants là, dans les tribunaux. Les gens, vous leur dites, est-ce que vous êtes pour expulser les étrangers qui meurent de faim parce qu'ils fuient leur pays en guerre? Vous voyez, vous êtes au téléphone, vous prenez quelqu'un dans la rue comme ça, comme ils font pour interroger les gens. La personne qui a un regard extérieur posé sur elle, elle va se dire, je vais passer pour un salaud si je dis non. Donc la personne, elle va dire, bien sûr, dans certaines conditions, etc. Mais quand vous leur collez le nez sur la réalité telle qu'elle a été décrite là, c'est-à-dire des nègres, esquilleurs, les types dans leur pays, c'est des fils de tribus, des fils de chefs, etc., qui exploitent à outrance leur propre population, etc., mais les mecs, ils les mettent eux-mêmes dans le charter. Donc c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc il faut beaucoup se méfier. C'est sur ce... l'utilisation de ces images par le pouvoir pour faire culpabiliser les gens à des fins politiques qui fait que ce qui se passe maintenant est possible. Mais les gens en eux-mêmes, je vous assure qu'ils ne sont pas du tout au droit de l'homiste. Surtout quand ils voient ce que ça leur coûte. Parce que ça coûte une blinde. Enfin, là c'est caricature. Comme dit Derek. Hein. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, qu'il le dise. Ouais, c'est un seul cas. C'est un seul cas. Un juge pensait que dès qu'on... Enfin, Il faudrait avoir ce chiffre-là. Savoir ce que ça coûte un nègre clandestin, genre du bout en bout, c'est-à-dire du moment le mec arrive en France, ok, il arrive en France, il pose un pied en France, de savoir ce que ça coûte au plan légal, social, le truc, jusqu'à ce qu'ils se fassent effectivement expulser, ok, quand ils se font expulser, quoi. Mais le cas complet, quoi, hein. Le type, il arrive, il est clando, machin, truc, tout le machin tourne, et puis finalement, oui, il est viré, et il est effectivement mis dans un avion, c'est les cas exceptionnels, et il est renvoyé dans son pays. Moi, j'aimerais qu'on me dise, voilà, bah, ça, un cas typique comme ça, ça coûte tant, facturé tant, TTC. Faudrait et même aller plus loin, en fait, et savoir combien ça coûte jusqu'à leur insertion définitive, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils vont commencer à travailler véritablement et à payer des impôts, et donc à cotiser. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais ils vont payer vos retraites. Ouais, c'est marrant, ouais. Parce que sur... Bon, déjà, on va pas parler du génocide par remplacement, mais en Allemagne... Il y a des gens qui sont en train de justifier la crise migratoire en fait en disant oui mais regardez elle avait besoin de main d'œuvre donc c'est pour ça qu'elle les a acceptés et en fait ils disent que la plupart des réfugiés ne pourront être aptes au marché du travail que dans 5 ans pour une partie et qu'une grande partie ça sera dans 10 ans. Alors imagine le coût financier parce qu'il faut entretenir ces mecs-là et leurs familles pendant 10 ans avant qu'ils commencent à être productifs. C'est-à-dire que même si on ne parlait pas de l'aspect racial, c'est un foutage de gueule total de dire que ces gens-là vont contribuer positivement, économiquement à la société, quoi. Bah, il faudrait le dire, ça. Mais moi, je veux ce chiffre magique-là. Moi, j'aimerais qu'on me dise, voilà, entre... Mais tout, je veux dire, le nègre magique, en fait, qui remplit toutes les cases mais qui est viré quand même, pour que les gens sachent que ça coûte, en fait, le tour du proprio, quoi. Parce que c'est ça, en fait, hein, quand le nègre se fait virer au final, il est venu en France pour rien, quoi. Mais pour que les gens voient ce que ça coûte, tous ces systèmes de justice, d'appels, d'associations, de bins, de prise en charge, de conseils, toute cette chiasse. Moi, j'aimerais avoir un chiffre, et ensuite tu mets ça sous le nez des petites gens, qui sont à 1000 euros par mois. Tu leur mets ça sous le pif. Je peux vous dire que là, si vous voulez faire monter la température, ça va être très utile. Et moi, je veux ce chiffre-là. Avis à nos auditeurs qui sont versés dans le... Voilà. Nous voulons ce chiffre. Non, mais parce que des gens disent le coût de l'immigration, c'est... mais c'est trop flou quand on dit aux gens... Coût d'un immigré. Voilà. Voilà, le coût d'un immigré clandestin entre le moment où il rentre en France et le moment où il est effectivement expulsé. Juste ça, d'accord ? On ne parle pas de ceux qui vont rester, qui vont être pris en charge, etc., parce que ça serait intéressant. Mais c'est autre chose. Mais pour simplement montrer la ruine que représente tout ce système droit de l'homiste de défense des immigrés. Il faudrait simplement dire, monsieur, vous êtes rentré avec des papiers ou pas ? Non. 10 ans de camp de travail en régime sévère en Guyane. Enfin, c'est quand même loin la Guyane, hein. Ça fait un petit peu cher en transport. Non, il va être rentabilisé à couper du bois là-bas ou quelque chose comme ça. Non, mais ils iront à la rame, t'inquiète. Non, mais vraiment, je veux dire, moi, je fais ça. Je le ferai. Je peux vous assurer que je le ferai. Et on prend ces gens, on les fout en Guyane, hein, dans leur milieu naturel, parce que quand même, c'est la jungle. Et puis, on convoque l'Institut Louis Pasteur, on tend des nouveaux trucs, hein. Il y a des choses à faire. Hein. Mais il y a déjà des chiffres qu'on peut retrouver facilement, parce que souvent nos opposants vont essayer de nous diaboliser en disant « Oui, tous les blancs au chômage ou au RSA qui profitent des allocs. » C'est nos blancs. Mais déjà, oui, c'est notre population, et si ces gens-là sont au RSA ou au chômage, c'est certainement... Et même s'il y en a qui s'y complaisent, c'est aussi parce que la société, elle est merdique et qu'on arrive à avoir 10% de chômage. Donc ça, c'est un problème, voilà. Mais surtout, quand tu sais que les familles de clandos sont logées dans des hôtels, là, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Il y a des chiffres qui traînent. Moi, j'ai entendu que... Je veux pas dire de chiffres, mais c'est plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Non, c'est plus que ça. Moi, j'avais entendu par mois, c'était dans les 50 000, mais peut-être que je me trompe. Alors, attends, il faut préciser, tu parles par individu, tu parles par quoi? Par individu. Non. Moi, j'avais des chiffres beaucoup plus généraux, c'est-à-dire sur toutes les nuitées par an, ça, c'est des chiffres qui sont disponibles. Dans l'émission, sur le fil, là, j'invite tous les commentateurs qui nous écoutent, sur le fil de l'émission, enfin, dans les commentaires, mettez les données, mettez les chiffres. Voilà, les nuitées par an, ça coûte combien, etc., je sais qu'ils circulent. Mais là, par exemple, on parle des nuits d'hôtel, mais quand tu fais le cumul, nuits d'hôtel, l'argent qu'on leur donne, les dépenses administratives par rapport aux employés, les fonctionnaires qui vont s'occuper de tout genre de choses, c'était un chiffre assez hallucinant, en fait. Et en fait, un nègre importé comme ça, un clan d'eau, revenait à plusieurs, voire plusieurs dizaines de locaux au RSA ou au chômage. Donc à un moment, les nôtres avant les autres, quoi. Mais non, mais c'est fondamental. Parce que, on peut pas. Là, c'est la question de l'impôt, mais c'est la question aussi de cet État complètement. Enfin, l'État français est une putain de tumeur. C'est l'État français, la tumeur. Les gens sont là en train de se poser la question comment, pourquoi, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais l'immigration, c'est pas rentable, on le sait. C'est pas rentable. Posez-vous toujours la question. S'il y a des gens qui défendent l'immigration, c'est qu'ils ont quelque chose à en retirer personnellement. Donc ça peut être le patronat, un certain patronat, pas tout le patronat d'ailleurs. Ça va être le BTP, l'hôtellerie-restauration, des gens comme ça. Bon. Ça peut être des boîtes, assurance-vie, des choses comme ça, des financiers, des machins comme ça. Bon. Mais aussi la bureaucratie de l'État français, qui comme une espèce de grosse tumeur flasque, se nourrit en fait de la dévitalisation, en fait de la destruction du corps sain français, donc en gros des travailleurs français, toutes catégories confondues, dont ils se nourrissent en fait de l'énergie, et qui en fait, pour faire masse, justifient leur prédation en agglutinant autour d'eux cette graisse nègre, cette graisse arabe, et alors là, logement, éducation, éduquer des nègres. Non, mais j'ai jamais entendu une phrase aussi con. Éduquer des nègres. Mais d'où ça sort des idées pareilles? Je veux dire, il faut vraiment. Il y a qu'en France qu'on a une idée pareille, quoi. Même en Afrique, ils ont laissé tomber un concept comme ça. Je veux dire, il y a qu'en France qu'on en est encore à vouloir éduquer les nègres. Donc, alors c'est la ruine du pire. En plus, ça peut continuer ad vitam aeternam avec des gens pareils, avec les assistants. Allez voir des assistants sociaux. Affilié à la CAF. Déjà, toute la littérature qu'on vous fout dans les salles d'attente, là, moi j'ai eu le malheur une fois de foutre le pied là-dedans, plus jamais, hein, plus jamais. Hein. Vous regardez les dépliants. Alors c'est simple, c'est systématique. Alors là, tu vois les trotskistes, hein, là encore subventionnés pour faire, Enfin, tu vois les... Excusez-moi, tu vois les connasses qui sortent des écoles graphiques, qui n'ont pas de boulot, qui reçoivent des commandes d'État par leurs petits copains de la fonction publique pour faire des décorations à la con sur les dépliants pour expliquer à Mamadou comment toucher les sous-sous des Blancs. Hein. Tu regardes les dépliants, c'est une connasse de blanche, Mamadou le basané, et au milieu, un machin, tu sais même plus trop, je savais même pas qu'il y avait des codes de couleur pour un truc comme ça, et il fout dans toutes les situations. Dans toutes les situations, alors parfois il y a un baobab, parfois il n'y en a pas, parfois c'est dans une maison, voilà. Et c'est machin, caca couleur partout. Et voilà, et c'est le grand projet français, et ça c'est payé avec vos impôts. Et après, vous avez, vous avez Macron, cette ordure, qui est à la tête de cette énorme tumeur cancéreuse, qui vient dire à des gens dans les campagnes les plus reculées de France, vous allez arrêter de gueuler un peu là. Moi je peux plus. Ça peut pas durer plus de 20 ans. Tout à l'heure, Otman, il disait, il faut 10 ans pour qu'un nègre, et encore, vraiment, et encore, selon eux, il faut 10 ans pour qu'un nègre soit productif. C'est quoi le concept du nègre productif? Qui a entendu un truc comme ça? C'est une théorie intéressante. C'est des plans sur la comète. Les mecs se disent, bon, allez, il va lui falloir 2 ans pour qu'il apprenne le français. Allez, 2 ans pour qu'il apprenne un boulot. 2 ans où il va être en contrat aidé, donc en fait qui sont des contrats qui ne rapportent pas à l'État. Mais en fait, le problème c'est que le nègre reste le nègre. Tu peux lui donner la meilleure formation du monde, ça reste un nègre. Et pendant ces 10 ans, lui, tu vois, il t'a déjà pondu une dizaine de petits Mamadou. Donc t'as déjà un Mamadou qui a une dizaine d'années, qui est un demi-homme, quoi, qui est déjà prêt à engrosser, pardon, une petite blanche. Ça va avec, hein. Et c'est non, mais c'est, en fait, c'est des phénomènes exponentiels. Il engrosse la blanche et la blanche engraisse Mamadou. Ouais, non, mais le nègre, c'est la fonction exponentielle. C'est-à-dire que lui, tu vois, quand bah, c'est ce que je dis, mais c'est la tumeur cancéreuse. Hein, tu parles d'exponentielle, bah c'est ça, le cancer c'est ça, c'est au cube. Hein. Ouais, et pendant ce temps, le brave français qui, je ne sais pas moi, qui est jeune, qui trouve pas de boulot parce que le marché du travail est ce qu'il est en France, qui décide donc de se mettre à son compte, qui va galérer pendant 5-6 ans, bah il va pas pouvoir faire d'enfant, tu vois, parce qu'il sait que pour l'instant il n'en est pas capable, donc lui il ne va pas faire de môme. Mais pendant ce temps. Pendant qu'il paye Mamadou pour qu'il fasse des nègres, ben voilà quoi, et lui il n'en aura pas. Tout ça c'est de la psychologie évolutive. Hein. T'as la psychologie évolutive, t'en parles généralement au niveau des rapports hommes-femmes, mais il faut aussi s'y intéresser au niveau des groupes raciaux. Parce que c'est quoi la logique des nègres en Afrique? C'est de faire plus de mômes que la tribu d'en face en fait. C'est pour ça que la démocratie est impossible. Mais s'il faut en faire plus, ça veut aussi dire que tu peux contribuer à faire en sorte que la tribu d'en face, et la tribu d'en face pour les nègres, ben ça reste les blancs, en fasse moins. Et tout ça, c'est pas forcément pensé au niveau des individus, mais en termes purement animal, c'est de la biologie, c'est de la biologie pure. Alors il y a cette caricature très très très connue de l'ancien régime, enfin de une caricature révolutionnaire. Nos auditeurs la connaissent nécessairement. Donc c'est une caricature antifiscaliste de la Révolution française, sur laquelle vous voyez un paysan français. Je crois même que c'est une caricature contre-révolutionnaire. Ou peut-être qu'elle n'est même ni contre-révolutionnaire ni révolutionnaire, mais en fait vous avez le paysan qui est sous l'ancien régime, en fait, il a sur son dos, juché, je crois, un curé et un noble. Et après, il y a, après la Révolution, et je crois qu'il y a un quatrième échelon, il y a un troisième échelon, pardonnez-moi, mais j'ai oublié lequel c'est. Et là, enfin, je n'ai plus tout ça en tête, mais j'appelle nos auditeurs à trouver cette caricature, mais pour la mettre au goût du jour, c'est-à-dire de nous saupoudrer un petit peu de nègre là-dessus, de nous mettre peut-être, je ne sais pas quoi, du fonctionnaire gauchiste, et éventuellement le gros juif tout en haut qui tire les marrons du feu, parce que il faut remettre ça au goût du jour, parce que c'est vraiment ce qui se passe, quoi. C'est l'exploitation à outrance de la plèbe laborieuse blanche au profit de tous les parasites raciaux imaginables. Hein. C'est voilà. Donc, mise à jour souhaitée. Mais déjà, si je peux me permettre, un petit retour en arrière. Lorsque, dans le passé, il y a très longtemps, on avait les gens avaient en tête une idée qui était courante et qui était probablement assez juste sur le calcul des gens qui travaillent, qui cotisent et qui permettent de nourrir le reste de la population. Et l'idée, c'était, on estime qu'un homme, un travailleur, doit travailler et donc cotiser pendant 20 ans pour assurer ses propres soins de santé et sa propre retraite. Donc, en jugeant qu'en travaillant, disons, 40 ans, ce qui était à peu près la norme à l'époque, eh bien, cet homme assurait donc ce que j'ai dit, plus la même contrepartie pour son épouse, qui, elle, faisait des enfants, avait son rôle de mère de famille. Et puis, il y avait des enfants qui apparaissaient, peu importe le nombre, parce qu'eux allaient prendre le relais et prolonger l'opération. Seulement, l'après-guerre, les années 60, les Golden Sixties, le moment où on a fait un énorme progrès, un énorme pas en avant, un grand progrès, qui était non pas de doubler les salaires comme certains imbéciles le croient, mais plutôt d'obtenir deux salaires, c'est-à-dire de mettre la femme, potentiellement mère de famille, au travail. Donc cela faisait, elle aussi était imposée, bien sûr, sur son travail, elle cotisait. Du coup, travaillant, elle avait beaucoup moins d'enfants. Donc c'était tout gain, tout avantage pour les États qui nous dirigent. Et pourtant, il fallait malgré tout, pour des raisons que moi je ne donnerai pas parce que ce n'est pas mon rôle, il fallait garder la population dans un certain niveau, disons, de peut-être pas de pauvreté, mais de modération de confort. Et le temps a passé. Et pour réduire cette évolution, bien, le moyen, ça a été d'amener des nègres, des gens qui, nous disait-on, allaient payer nos retraites, ce qui est complètement faux, puisque tout le monde observe que dans tous les pays européens, on recule l'âge de la retraite. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire, oui, pour nourrir les nègres, effectivement. Bon, ce que je viens de raconter là, c'est quelque chose qui trottait dans la tête de nos grands-parents, de mes parents à moi, puisque je suis plus âgé, qui trottait dans la tête de vos grands-parents à vous qui êtes plus jeunes. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Alors, quels que soient les chiffres que coûte un nègre, un bougnoul ou tout ce que vous voulez, il y a toujours qui aurait dû, ce nombre d'années de cotisation et de travail, qui aurait dû diminuer avec l'évolution de la technologie, de la robotisation, etc. Mais ça, ça n'arrange pas ceux qui nous dirigent, manifestement. Il faut absolument que les gens, que les gens végètent dans une certaine situation. Il ne faut pas qu'il y ait de véritable évolution. Voilà, je suis peut-être parano, mais c'est ce que moi je crois. Quelqu'un d'autre ? Ok. Vas-y Alexis. Ouais, bonjour à tous. Moi je voulais attirer l'attention sur un indicateur qui est un petit peu trompeur, c'est le PIB. Parce que le PIB, c'est basé surtout, non pas seulement sur la production, mais sur la dépense et la consommation. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un demandeur un clandestin, comme on disait, dont on tolère la présence, même à Doubs, etc., on lui file la CMU, on lui file de l'argent de poche, un logement, et avec cet argent de poche, s'il va par exemple au kebab du coin tenu par Rachid, en fait ça va faire monter le PIB, ça va faire monter le chiffre d'affaires de Rachid, qui lui-même peut-être va alimenter le trafic de drogue et autres. Donc en fait on va avoir un PIB qui augmente. Cependant, c'est pas un facteur d'amélioration de la nation, de renforcement, c'est évidemment une destruction qui est en cours. Enfin, ça c'est un tout petit exemple bien sûr, mais c'est pour montrer qu'on peut avoir un PIB qui augmente et tout le reste qui fout le camp, et les ressorts de l'économie réelle, agriculture, industrie, qui foutent le camp, et l'endettement. D'ailleurs, on voit que le PIB augmente légèrement peut-être, mais l'endettement, alors là, il est abyssal. Donc voilà. Souhaitons une bonne année 2019 à tous nos participants, à tous ces démocrates participatifs qui nous écoutent, on les en remercie, à tour de rôle, hein. Alors là, bon, je ne vais pas prendre la parole à tous, mais voilà, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année.